plus officiel. Bienvenue à la 100e d'Objectif Numérique. Oui, super. Santé. Bravo, à bravo. Alors, pour ceux qui ne le savaient pas, on a toujours une petite limonade pour nous accompagner. Oui. Et de quoi on va parler cette semaine? On a quand même des sujets. On va faire une petite rétrospective, là, mais on a des sujets. Et on a un invité, Maxime Soriol, avec nous. Et oui, c'est lui, Maxime, qu'on parle souvent. C'est lui. C'est lui. Voilà. On a eu quelques fois à l'émission. Oui. 4 fois, je pense. À peu près. Au moins 3, ça. Au moins 3, ça, c'est clair. Là. Maxime est tellement bon en photo. Il est venu au podcast. Puis là, j'ai dit, ça nous prend un soundman, un gars à la régie. Puis c'est Maxime qui va gérer les appels vidéo et compagnie. Un peu stressé avec tous les boutons, mais ça va bien aller. Ça va bien aller. Oui. Sinon, ben, t'es congédié. tu seras pas payé sinon. Ah. Alors, on est en probation. Ça paye. Ah, c'est ça. Ouais, on a présenté l'invité, mais on s'est pas présenté nous. C'est vrai. Stéphane Vaillancourt, à l'animation depuis 100 épisodes. Oui. Merveilleux. François Blanchette. Salut tout le monde. Et Christian Jarry. Bonjour tout le monde. Bonjour messieurs. Je suis vraiment content. On s'est rendu à 100. Oui. Alors qu'on n'avait aucun objectif au départ. On voulait se rendre à... On vous laissera au prochain épisode. Ça, tout simplement. Tout à fait. Honnêtement, c'est pas mal ça, oui. Et ouais. Sans prétention, sans attente. Puis on a fait le tour d'un paquet de sujets. Oui. Puis aujourd'hui, on va parler aussi un petit peu de divers sujets. On va parler d'un bidule qui permet de gérer l'équipement photo de façon rapide et efficace. On va parler de l'adaptateur photo Diox de Nikon à Sony. Oh, bonne nouvelle, ça! Oui, j'ai vu celle-là. Moi, c'est... Ouais. On va parler de trucs pour de la photo en hiver. Ça, c'est intéressant. Mm-hmm. Surtout aujourd'hui. Oui, surtout aujourd'hui, parce qu'on a eu une belle petite bordée de neige. Mm-hmm. Oui, ouais. Une vingtaine. 15 centimètres. 15, hein? Ouais. Mm-hmm. Ben, ouais, 15 et 20. Plus. Oui, parce que ce matin, il y en avait déjà une douzaine. Mm-hmm. Et oui, les joies du Québec. Puis, on a des suggestions aussi. On a une petite photo, vous allez voir, qui pèse 4,5 milliards de pixels. Pas des mégapixels, là, c'est des milliards. Gigapixels. Wow. Ouais. Et on va commencer comme on fait d'habitude. Hein? On va parler de ce qu'on a fait côté photo récemment. François, qu'est-ce que tu as fait? Je suis allé dans un voyage à Denver il n'y a pas tellement longtemps. Et puis, j'avais mon S7 de Samsung pour la première fois en voyage. Mm-hmm. Parfait pour le tester, pour faire toutes sortes de... Oui, ah oui, parce qu'après le dernier épisode, tu as échappé ton S5 par terre. Oui. Et il a fracassé. Oui. Il a rendu l'âme. Oui, il fonctionne encore, mais il n'y a plus d'écran. Mm. Mais bon, je peux le contrôler à distance avec une petite application sur le PC, mais bon. Utilité tout à fait réduite quand tu utilises un téléphone, disons. Ben, jusqu'à temps que je me décide à payer 200$ pour remplacer l'écran, il va rester comme ça. Ouais. Ouais. Donc, j'ai fait un upgrade pour le S7, puis je me suis dit, il paraît qu'il est bon à basse lumière. On s'est retrouvé dans un autobus de tournée où il fait très, très, très noir, puis j'ai fait comme parfait, c'est le temps de le tester là. C'est assez incroyable quand même, la luminosité, ça bat le 7D là, que notre appareil à moi puis Christian... C'est pas dur à battre. Non, que ça... Il commence à prendre de l'âge, mais c'est pas nécessairement qu'il est vieux, c'est que la technologie n'était pas aussi évoluée qu'aujourd'hui. Là. Ben, c'est ça, c'est que lui, il était bon, mais l'autre a augmenté depuis. Fait qu'à un moment donné, c'est sûr que l'image est meilleure. Là. Oui. Donc, c'était vraiment juste pour voir, il y avait des néons, des lasers, il y a la vitre extérieure qu'on voit à l'extérieur dans une espèce de tunnel, mais tout est bien balancé, merci HDR, dynamique. Mmh, oui. C'est très, très, très réussi l'effet. On a vraiment l'ambiance où j'étais, puis... Il n'y a presque pas de grain. C'est ça qui est assez incroyable. Il n'y a presque pas de grain dans l'image de bruit. Fait que c'est parfait. Alors, je pourrais, vu qu'on est en direct, je vais vous la montrer à la caméra, vite. Avec l'effet que ça va pouvoir. Ben oui, tout à fait. Pourquoi pas? Oui. Le temps que je la trouve. Oui, c'est ça. Bon. Mais ça, c'est ce que tu as fait récemment côté photo. Oui. Ton voyage à Denver. Oui. Parfait. Christian. Tiens, je l'ai ici. Ah, tu l'as trouvé. Vas-y. Allons-y. Alors. J'avais une version qui était... Non, il l'a pas pour vrai. Non. Je m'en vais à la caméra pour le pérer, pour être sûr que c'est au foyer. Très radiophonique. C'est pas technologique, par exemple. Là. Alors, voici ce que ça donne. Comme ça. Quand même incroyable, il est à peu près à 6 cm de l'objectif. Oui, quand même. Hein. Alors, c'est dans le noir total. Oui, très cool. Que cette photo-là, elle a été prise. Mm-hmm. Fait que je trouve ça le fun. Ça évolue super rapidement avec les appareils cellulaires. Mm-hmm. Voilà. Alors, c'est ce que j'ai fait. Parfait. Christian? Honnêtement, j'en ai. Je suis sur un petit down. Pas beaucoup de photos ces temps-ci, mis à part le blog Best Buy. Mais par contre, je me suis amusé sur un détail. Il a fallu que je prenne j'avais des camions téléguidés à tester, puis je l'ai trouvé des belles façons de les mettre en évidence. Fait que je les ai mis. Il y avait plein de feuilles. Il y a quelques jours, là, puis maintenant, elles sont disparues. Elles sont pas mal disparues, fait que je les ai mis là-dedans, tout ça, mais c'est à peu près tout ce que j'ai fait. J'ai pas sorti mon appareil photo depuis une éternité, puis justement, c'est drôle, tu sais, je me disais, avec la centième qui s'en vient, c'est quelque chose que je veux remettre, là. Je suis comme un peu tanné, là, j'ai le goût de m'y remettre un petit peu, là. Mm-hmm. Avec le nouvel emploi, ça a été comme beaucoup de choses à penser en même temps, là, mais là, j'ai le goût, là, ça me manque, là. Maintenant que tu sais quel côté tourner en haut de l'escalier roulant, c'est ça? Mon Dieu, oui. Non, je me trompe encore deux matins. Mais bon, ça, c'est une autre histoire. Maxime, de ton côté, tu fais toujours de la photo à presque chaque jour, mais... Non, ces temps-ci, j'ai pas fait beaucoup de photos. J'ai le S7 comme... comme François. J'ai des Francis, mais c'est vrai que c'est pas ça. Comme François, j'ai le S7 qui marche quand même assez bien dans la noirceur, c'est vrai. Sauf que il fait noir quand même tout le temps à partir de 5 heures maintenant. Moi, c'est des photos, c'est des cartes postales, donc j'ai pas vraiment le réflexe de sortir le soir. Le matin, c'est un petit peu trop pressé, donc c'est des photos, c'est souvent dans le déplacement. Mm-hmm. Donc, ces temps-ci... Un petit relâchement. Photos de sapin de Noël. deux, trois petits flocons, mais ça s'arrête à peu près là. OK. Ben écoute, t'as quand même une trahalée de photos derrière toi que tu peux montrer, même si tu n'en as pas fait dernièrement. Tu en as fait pour... Tu as dit quelque chose qui m'a fait penser à une photo que j'ai prise, par exemple, il n'y a pas longtemps. Tu as dit sapin de Noël. J'ai pris le fameux sapin de Noël de Montréal en photo quand je suis allé. Mm-hmm. Mais bon, il y a beaucoup de monde qui ne l'aime pas beaucoup, là. Disons qu'on comprend pourquoi. Là. Mais bon, je le trouve pas si pire que ça, moi non plus. Là. Mais tu sais, c'est juste... Il faut que tu t'habitues un petit peu. Moi, comme disait ma blonde, c'est plus les gros signes de Canadian Tire en décoration qui c'est ordinaire un peu, là, mais bon. En tant que maigre, moi, je me sens interpellé, sans veiller mouillé, je me sens interpellé par le sapin de Noël. Est-ce qu'on te voit bien, Maxime? Stéphane, si tu vois, tu laisses la place un peu, on va la voir. Non, mais là, je me sens un peu interpellé par le sapin. Il est en crise. C'est rare que le sac, mais c'est à Laval, donc c'est sacré, mais... Il a coûté environ 3 000$ comparé à... Puis c'est un vrai, puis 100 000$ à New York, puis c'est un faux. Puis l'effort est là, pareil. Oui, puis ils prennent un mois à l'arranger, tout le kit. Mais étonnamment, j'ai fait une photo popée. Ben tiens, ça va être ça. Je vais vous envoyer ça. Mais y a-t-il quelqu'un qui a vraiment voulu compétitionner celui de New York? Il a dit en quelque part... Ils ont quand même on veut compétitionner New York. Ils ont dit ça. En fait, non. Écoute, c'est pas l'arbre qui veut le compétitionner, c'est la hauteur. Puis même ça, ils se sont plantés. Bravo. C'était fantastique. Mais j'aime le compte Twitter de Sapinlet. Oui. Super intéressant à suivre. Mm-hmm. Je te gère ça. Moi, de mon côté, j'ai recommencé à écrire pour le blog de Best Buy aussi. Je suis retourné. Mm-hmm. Puis j'ai testé le RX100 Mark V, qui est la nouvelle version qui vient tout juste de sortir le mois dernier. Puis j'ai fait des petites photos justement en soirée sur la rue, puis il y avait des enseignes lumineuses et tout ça. Puis vraiment, c'est ça, capteur Sony, ça sortait bien, là, c'était vraiment cool. Puis ça faisait longtemps que j'avais pas eu un RX100 entre les mains, donc là j'ai pu m'amuser quelques jours avec, puis... c'est tentant, mais c'est cher. Le dernier est cher, 1250. Mais bon... Puis, j'ai fait de la photo urbex. Je suis allé à Pointe-Saint-Charles, à Montréal. Puis, il y a un bâtiment désaffecté qui s'appelle le bâtiment numéro 7. Puis, on était avec une responsable de l'histoire de Pointe-Saint-Charles, je ne sais pas trop. Là. Puis, c'était un photo walk organisé. Puis, on est allé se promener dans ce bâtiment-là. On a fait de la photo. Il y avait même une modèle qui était là pour se faire photographier. Au départ, je ne m'en suis pas vraiment occupé parce que... C'était pas... Tout le monde s'est garoché pour l'avoir. Ben, j'ai même pas remarqué, honnêtement. Moi, je voulais photographier le building, le bâtiment à l'intérieur, les vieilles choses toutes brisées par terre, les filets de lumière qui entraient par les murs brisés, toutes ces choses-là. Puis, je vais mettre le lien dans les notes, comme d'habitude. Là. J'ai fait un album Flickr de ça. Puis, il y a deux ou trois photos de la modèle là, que j'ai prises, finalement, parce qu'elle était là... adossé à une espèce de clôture en treillis métallique, là, les clôtures frost, là, genre à l'intérieur du building. Puis tout le monde la photographiait là, fait que moi, j'ai fait deux photos. Puis juste avant de repartir, elle était en bas d'un escalier. Puis elle était en train de regarder son cellulaire. Puis là, il faisait noir, puis le cellulaire éclairait son visage. Puis il était habillé, pour ceux qui connaissent ça, en cyber goth, cybergothique, avec des grandes tresses, ah, tout ben ça, bien, ouais, ça un masque sur le visage, tout ça. Puis là, ben, avec la lumière, ça faisait, ça découpait bien tout ça. Fait que j'ai pris cette photo-là aussi d'elle, qui était vraiment pas prévue au départ. Il semblerait qu'il y a peut-être un petit peu, je vous avertis, peut-être quelques coupures occasionnelles, il semble, sur le live. Oui. Bon, je ne sais pas trop, là, on ne peut pas faire grand-chose pour ça, malheureusement. Je vais tenter d'ajuster, ça va être bon. Ouais. Ben, en tout cas, moi, à date, je n'ai pas remarqué quoi que ce soit. Non, moi non plus, mais bon. Nous autres, on est... Ouais. Ouais. Non, mais d'après moi, c'est bon. Puis là, on a un signe de pouce en haut. Pour, c'est bon. Oui. Et oui, ben comme c'est la centième... On a des invités spéciaux qu'on l'avait annoncé aussi. Mm-hmm. Et ben on a justement on a Denis Talbot qui est avec nous. Et là, excuse-moi Maxime, je vais slider ça, la magie de l'Internet. C'est pas bien fait. Hein? Denis, est-ce qu'on t'entend si tu nous parles? J'espère que oui. Vous m'entendez. Excellent. Très bien. Ben Denis, merci beaucoup de te joindre à nous, d'accepter de te joindre à nous. C'est vraiment un grand honneur de nous avoir sur l'émission. Écoute, je t'ai invité chez nous, t'es pas encore venu. J'étais à Québec le jour où tu m'as invité, ben c'était oui. Un petit peu difficile. Des excuses. Mais ça va me faire plaisir. Le gars, et bonne centième en passant, c'est merci. Pas facile de faire des shows. Mec, c'est moi aussi qu'on parle, d'avoir cette rigueur-là, d'en pondre 100 comme ça, c'est pas facile, puis je lève ma casquette. Ben merci, ben, merci j'aimerais te retourner le compliment et les félicitations, parce que toi, t'as souligné ta 500e il y a pas longtemps. C'est tout un accomplissement. Sobrement, oui, c'était vraiment, vraiment sobrement, mais quand même. Oui, ben c'est bien. Puis on a, s'il y en a qui voient un petit peu en coin, on a aussi Maxime Tremblay de l'Épée légendaire, le podcast, qui est là, qui s'est joint à l'appel aussi. Maxime. Je suis tranquille, je parle pas beaucoup, je suis super tranquille. Oui, bon. Mais t'es toujours avec, tranquille, Max. Avec un chandail des mystérieux étonnants, qu'on salue aussi en même temps. C'est un hasard. Oui, c'est tout à fait un hasard. Parce que la spéciale de Noël des Mystérieux s'en vient aussi, d'ailleurs. Alors, manquez pas ça. C'est samedi soir, oui. Mm-hmm. Et voilà. Je voulais revenir à Denis, parce que Denis, tu fais de la photo depuis un bon petit bout de temps, puis tu es quand même bien équipé aussi. Je pense que tu as un 5D, je ne me souviens pas si c'est un Mark II peut-être, ça se peut-tu? Oui, c'est le Mark II 5D. Okay. J'ai acheté ça au début, ça fait longtemps. Là, je zieute... Le Mark III, beau boîtier, j'hésite entre ça, le 6D, 7D, je ne sais plus. Ouais, hein? Je ne sais plus. Mais je reste dans le Canon parce que j'ai déjà beaucoup d'objectifs Canon. Mm-hmm. Je pars du 10 mm jusqu'au. Mon plus gros, c'est un 100-400. OK. Et puis, je me promène dans le Canon pour garder justement les mêmes objectifs. Ouais, ouais. J'aime spécialement ma 70-200. Mm-hmm. C'est ma lentille favorite. Absolument. C'est un des meilleurs objectifs de Canon, la 70-200. J'adore cet objectif-là parce que c'est assez polyvalent. Mon fils fait beaucoup de plongeons, fait que ça me permet d'être assez loin pour ne pas l'intimider ou pas intimider mes sujets, surtout quand on fait du sport. Puis une caméra en face, quand c'est des sports de concentration, ça peut être dérangeant. Absolument. Je suis toujours à me cacher un petit peu pour aller chercher des angles de fun. Je ne sais pas si vous travaillez beaucoup avec des monopodes, mais moi, j'adore le monopode, pouvoir avoir de bons appuis puis pouvoir bouger rapidement, surtout quand je fais des shots de sport. Oui, tu n'as pas le choix. Ouais. Non, c'est ça. Il faut commencer à l'apporter pour que ça devienne un réflexe, parce que souvent, on l'a dans un placard puis on l'oublie tout le temps là avec le gros trépied puis tout ça. Fait que ça m'est arrivé souvent de l'oublier, mais il suffit de l'apporter deux, trois fois de suite, puis après ça, le réflexe se développe, là. Moi, c'est dans mon sac, là. Mais j'avoue que depuis l'apparition des iPhones, j'ai tendance à oublier mon 5D. Ouais, hein? Et j'ai quand même fait des photos pas pires avec cet appareil-là. Il y en a une qui a gagné un prix sur ViewBug. J'apprends toujours mon pack-sac, d'ailleurs. You win the pack-sac! Never got the pack-sac, because it's loin en Tabaslac, le Canada. Non, c'est ça. J'ai fait une photo dans un tunnel ici avec Piston qui faisait du vélo. Puis là, il se passait un incident assez plate ici à Longueuil. Il y avait un enfant qui s'était fait agresser. Là. Et puis, ça m'avait inspiré cette photo-là. Avec Ticu, je suis arrivé à débarrer mon téléphone. Tu n'as pas le lecteur d'empreintes? Mais j'en profite pour dire, Denis, que tu n'es pas le seul à switcher au téléphone intelligent pour faire de la photo. Premièrement, ça a vraiment changé la qualité. Depuis le premier iPhone, il a complètement démocratisé la photographie pour tout le monde. Et puis, c'est tellement portatif. Mais quand on prend la peine de faire des photos avec notre appareil DSLR, ça reste que c'est... Ouais. Tu sais, s'il est à jour, c'est vraiment des superbes photos qu'un téléphone n'est pas encore capable d'arriver, surtout au point de vue de la profondeur de champ, là, évidemment. Non, écoute, moi, j'adore partir avec l'appareil puis m'en aller, par exemple, je fais aussi des chats de nature. Je suis polyvalent dans mon range. Ouais. Je me promène pas, je fais pas, je me spécialise dans rien. Mm-hmm. Moi non plus, j'aime ça. C'est ça, je touche à un peu de tout. Je sais pas faire par exprès, je trouve faire photo. Toujours grand. Là, ça paraîtra pas bien, là, mais ça, c'est avec la 100-400. C'est juste un oiseau que j'ai. Mm-hmm. Vulgaire rouge-gorge, mais on voit pas bien, là. Mais vulgaire rouge-gorge qui. Que j'ai fait avec un monopode dans l'arbre, mais ce qui est le fun, c'est qu'on peut voir ses cils. Ah, ok. Tu te dis, waouh, si j'avais voulu être capable de faire ça. Vous savez, comme moi, qu'il y a beaucoup de chance aussi en photo. Oui. Et puis, ça contribue aussi au thrill d'en faire. C'est le fun parce que dans le temps, il y avait l'argentique, il fallait absolument faire développer ces trucs. Mm-hmm. Son 36 poses. Oui. C'était beaucoup d'essais-erreurs. Hein? On ne savait pas sur le coup. Là, on le fait live. Fait que ça, c'est le fun. T'sais, comme cette photo-là, c'est à la. Oh, wow. Je me suis amusé à un moment donné. Si vous êtes tenté de voir ça sur Instagram, oui. C'est pendant l'Halloween, ils mettaient de la fumée dans les arbres à la ronde. Et puis, il y avait comme une scène un peu dramatique avec les gargouilles qui étaient là. Ça faisait en plein jour, ça faisait un peu glauque et lugubre. Mm-hmm. Et je me suis amusé pas mal là-bas. Mais moi, c'est ça. C'est, je suis d'accord avec moi. Plus qu'on en fait de photos, puis plus qu'on voit des affaires qu'on ne voyait pas avant. Oui, c'est vrai. Exact. On voit le. Que ce soit la nature ou les objets d'une autre façon, parce que là, on regarde l'angle, l'éclairage. C'est d'ailleurs dans l'épisode 101 que je vais exactement parler de ça, comment la photographie altère l'esprit. Mm. Puis, exactement ce que tu dis, Denis. À force d'en faire, un moment donné, on se met à voir autre chose, on décompose la lumière, on comprend l'environnement, on se met tout de suite à voir des cadres, puis ça se fait automatiquement. Là. Ça se fait vraiment rapidement. La couleur de la lumière, on sait tout de suite sur quel filtre aller. Ça va, ou en quelle température de couleur choisir, si on ne laisse pas l'appareil le faire lui-même. C'est, la morphologie des corps aussi. Il y a des gens qui sont plus enrobés que d'autres, tu vas les placer différemment. C'est vrai. Que ça soit flatteur. Moi, j'essaie, en tout cas, de rendre ça. Si on peut être chiant, on peut être chiant. C'est pas dur à part ça. C'est c'est pas difficile. Mais moi, ce que j'aime, c'est essayer de mettre les gens en évidence. J'avais fait des photos de femmes enceintes à un moment donné, puis derrière, en contre-jour avec un drap, c'était super. T'sais, la fille avec qui je faisais ça, c'est une voisine qui est super pudique. Alors, c'est sûr que voir le voisin se mettre à poil, faire des photos, c'est « mets-toi à poil, je vais te photographier. » On avait fait un setup, et puis j'ai montré où elle est placée, assez placée après ça. À travers le drap, ça faisait des shots incroyables. C'est le fun quand tu vas chez quelqu'un et c'est ta photo qui est là. Ben oui, absolument. Ouais. Mais non, c'est... Moi, là, quand je fais de la photo, c'est comme... On a des jobs assez stressants. Puis quand je pars avec ma caméra, le temps s'arrête. Oui. Oui. Je regarde l'heure, des fois, je pars, et peut-être le soleil se lève, je reviens, le soleil se couche. Là, je pense que ça fait longtemps que je suis parti. On s'entend que tu es tout seul quand ça arrive, ça. Hein? Il n'y a personne qui te suit, là. Non, oui. Non, OK, non, c'est une autre histoire quand quelqu'un, là. Non. La patience à deux, c'est... Oui, c'est une autre paire de manches. Puis imagine la patience à cinq. Je suis déjà resté pour prendre... D'ailleurs, chez nous, il y a comme une espèce de grosse dame de castor. Allons, vieille. Pas de joke. OK, un barrage de castor. Oui, c'est comme une espèce... Il s'est fait une cabane là, je ne sais pas d'où il vient. Puis je voulais le voir. J'étais allé deux jours de suite, je ne l'ai pas eu. Hey boy. Par hasard, à un moment donné, je me promène, j'ai mon Christy d'iPhone dans les mains, il sort. Évidemment, c'est toujours comme ça. J'aurais aimé ça le voir. Mais c'est de la patience, c'est le fun, le temps s'arrête. De travailler un angle, de travailler... un effet qu'on veut. Comme je suis allé me promener dans le Vieux-Montréal, tu sais, il était style 3 heures du matin, plus grand monde dans les rues. Mm-hmm. Puis, c'est l'été, c'est le fun. Et puis j'avais juste ma 40 mm, un petit pancake, une petite caméra toute petite, pas de trépied, rien. Je suis parti avec mon auto, puis moi, j'ai regardé les buildings, je me suis dit, c'est beau, c'est passé à Batman, tu sais, ici. Tu sais, la Gotham City, là, bang. J'ai fait des shots là-dessus, qui sont aussi, il y a une couple qui sont sur Instagram, puis ça sort super bien en noir et blanc, avec l'espèce de pureté de la nuit, là, ça donne des shots super. Mm-hmm. C'est ça que j'aime. Ton compte Instagram, c'est quoi, Denis, pour qu'on puisse le... C'est Denis. C'est Denis Talbot. Ah oui, c'est The Denis Talbot. C'est Denis Talbot. Oui, c'est ça. Denis Talbot. Il y en a un autre, c'est Denis Talbot aussi. OK. On va les mettre dans les notes d'épisode. Comme ça, les gens auront juste à cliquer dessus. Mais on profite du live pour le dire. Oui, absolument. Ça se fait interactivement. Ouais. J'ai eu ma période HDR aussi. Oui, oui. un de mes amis qui fait des patios me disait, j'aimerais ça faire, que tu viennes faire une photo de mes patios parce que j'aimerais ça m'en servir éventuellement dans des publications. Fait que ça, c'est plus dans le temps de l'avoir. Oui. Bon, c'est super beau ce qu'il fait. Ça, c'est trois photos combinées en une. Okay. Ah ouais. Ça, c'est du HDR bien fait. Ça. Oui, c'est ça. Je trouve que c'est pas exagéré. Oui, c'est ça. C'est ça qu'il faut. C'est pas beau quand c'est trop. Non, faut que tu mettes en valeur le produit, mais pas exagérément que tu as l'impression de regarder une peinture ou une affaire comme ça. Il y en a qui aiment ça, mais moi, je ne trouve pas. Non, c'est ça. Mais Denis, qu'est-ce qui t'a donné envie de faire de la photo, justement, de t'équiper? Là, parce que ça a commencé en quelque part. Il y en a qui ça commence avec un enfant, il y en a qui ça commence, je ne sais pas. Quand j'étais petit, j'avais hérité l'espèce de boîte noire de ma mère qui mettait des 620, des films dedans. Là, oui, oui. Puis j'avais commencé à faire, c'est au secondaire 2 ou 3, j'ai commencé à m'amuser là-dessus. Puis dans le temps, mon grand projet, c'était de faire des montages. Mm-hmm. T'es plus jeune, là, t'es au secondaire 1, t'es quoi, t'as 22, 23 ans? Oui, c'est ça. Puis c'était pour illustrer la pollution. Dans le temps, on avait des grandes préoccupations encore, comme aujourd'hui d'ailleurs. J'ai pris le robinet de l'évier chez nous en photo, puis une photo du fleuve le soir, puis j'avais fait un découpage. Dans le temps, on faisait des découpages. Oui, oui. Puis en chambre noire, tout le cas. C'était pas beau, c'était affreux, mais j'avais compris l'art de mixer les affaires. J'étais pas un artiste pendant tout, mais j'avais compris la technologie, comment, à l'époque, comment ça fonctionnait. Il fallait faire notre cache. Après ça, enlever la cache, cacher les autres affaires, faire notre exposé avec notre agrandisseur. Là, tu avais une superposition, mais c'était pas beau, c'était trop éclairé, c'était tout. Mais c'est à partir de ce moment-là que j'ai découvert que c'était le fun. Puis c'est cadré, c'est pas. Tu sais, les gens, ils cadrent tout le temps dans le sable. Clac, dans une shot. T'as tout dans le milieu, là. Ouais. C'est tellement plate comme photo. La tête en plein ça, milieu, puis là, t'as beaucoup de vide en haut, là. C'est ça. On fait tous cette erreur-là au début. Colle-toi sur le mur, là. Colle-toi sur le mur. Là, c'est voulu, on peut faire des effets. Mais, tu sais, comme ma blonde, que j'aime beaucoup, a beaucoup de difficultés avec le fait de décoller le sujet du mur, pour qu'elle soit sur le mur. On ne la voit pas, la photo. Le mur, on ne le verra pas. Si tu tasses un sujet un peu, puis c'est moi qui prends la photo. OK, Minou. C'est des techniques. Puis, à un moment donné, tu te rends compte que tu vois ça avec d'autres yeux, puis tu développes ça. Puis c'est ça que j'aime, c'est de voir le résultat final, tu sais, puis de m'amuser avec Photoshop aussi. Dans le temps, c'est pendant des heures, faire des trucs avec Photoshop. Maintenant, les principes de base sont encore là, mais les outils sont beaucoup plus performants, beaucoup plus rapides, c'est vrai. Oui, absolument. Ben cool. Merci beaucoup, Denis, tu peux rester là, si tu veux continuer à jaser avec nous, mais je sais que tu es quand même bien occupé. Puis c'est ça, je voulais. Je te remercie beaucoup de ta présence à l'émission. On va rester là, puis si je m'en vais, vous allez perdre la connexion. Ah oui, c'est vrai. On aime ça de même. C'est parfait. C'est bien, t'es plus vite que Stéphane là-dessus. Ouais. Ben, c'est parce que c'est moi qui l'avais parti au début. Là, j'ai comme pas pensé qu'on l'avait reparti avec Denis. Genre de détail. Merci. Maxime, c'est à ton tour. Merci de participer aussi à l'émission parce que tu as fait beaucoup de podcasts toi aussi. T'es rendu à l'épisode quoi, 164, 165? On a fait le 164 vendredi dernier. Mm-hmm. C'était le dernier de la saison. Il n'y a pas d'autre saison prévue pour l'instant. Mm-hmm. On est pas sur l'Atlas. Mais ça, c'était la numérotation. Mais on a une série alternative de quelques épisodes aussi. J'ai fait un autre podcast avant l'épée légendaire, qui était un autre projet qui était un peu, si on veut, une dizaine, quinzaine d'épisodes, si je me rappelle bien, qui s'appelait land2k.net. Oui. Je me souviens de ça. Moi aussi, je m'en souviens. J'ai un projet aussi. J'ai aidé plein d'autres podcasteurs à se lancer. J'ai fait Radio Talbot avec Denis quelques fois. Il m'a invité. Gentil. Fait que je suis comme tout le temps un peu partout, mais un peu personne en même temps. Mais quand même, t'es présent dans la communauté des podcasteurs. Ouais, depuis longtemps. Ton nom. Oui, c'est ça. Fait que tu avais participé justement au podcast All Stars. Tu m'as déjà invité, je pense. Ben oui, tu es déjà venu par Skype aussi sur le show, mais c'était juste en version audio. Mais là, les gens qui ne te connaissent pas peuvent maintenant mettre un visage sur ton nom. C'est ça. Là, est-ce que tu as d'autres projets pour le moment? Est-ce qu'on a droit à un scoop ou non? Tu prends juste un petit recul pour le moment? Un petit recul, c'est juste de recentrer un peu ce que je veux faire. Présentement, je suis surtout sur Twitch. Mm-hmm. je stream du jeu vidéo, principalement du Overwatch, qui est un jeu vidéo compétitif. Oui, j'ai aucune idée de quoi tu parles. Non, non plus. Puis pendant mes temps libres, je m'occupe de mes enfants. Oui, oui, ah, tu en bon, as trois ça. D'ailleurs, c'est assez mm-hmm. important. De... Ouais, je connais ça aussi, ouais. cette occupation-là. Mm-hmm. Ouais. Ouais. Bon. Ouais. Puis toi, tu fais quand même un petit peu de photos à l'occasion. Tu avais acheté un appareil, justement, pas longtemps avant ta visite sur le podcast, je pense, ou en tout cas dans ce coin-là. C'est quoi déjà? Qu'est-ce que tu as comme appareil? Présentement, j'ai deux appareils. J'ai un Canon S110. Oui, ouais. C'est vrai. Qui est un petit compact haut de gamme. Mm-hmm. Qui était quand même assez dispendieux, mais ça reste un compact, là, fait que ça n'a pas les qualités d'un SLR. C'est pas mauvais pour autant. J'ai un Canon Rebel quelque chose. Je me rappelle plus c'est quoi. Mm-hmm. Ça fait trop longtemps que je ne l'ai pas sorti. À cause de ça, là, principalement. Oui, là. Toi ouais, aussi, hein? C'est toujours les téléphones. Mmh. Ah, ben moi aussi, mon Pixel, je m'en sers très souvent. Des photos, justement, d'arbres de Noël et compagnie, j'en ai fait pas mal récemment. Moi, j'en ai juste publié deux là, pour pas inonder les timelines des gens et mon compte Instagram non plus, mais c'est ça. Moi, je me sers beaucoup du téléphone parce que, justement, j'ai des enfants. Puis ce que j'aime, c'est de prendre des photos des enfants ces temps-ci. Oui, les petits moments magiques avec les enfants ou juste, ils doivent faire un peu de sport, d'activité quelconque. Oui, ouais, c'est ça, mais moi, c'est beaucoup les moments qui sont... comme la photo que Denis nous présente, c'est magnifique. Denis, si tu parles, on va l'avoir en gros plan, ta photo. Ah, deux, trois, gars, c'est ça que je disais tantôt. Ah, wow. Ah oui. Et, super. J'ai fait ça à plat ventre, là, couché sur le sol, quand il cul s'en venait. Et puis, ça fait peur. Oui. Oui, ça a une ambiance Stranger Things, hein, un peu. Oui, vraiment. Ouais, ouais. Ça a été pris dans les années 80. Oui, c'est ça. Avec un téléphone, oui. Avec un téléphone, ben oui. Avec non, mais c'est une photo très cool. Moi, je me souviens de l'avoir vu passer sur Instagram. Oui. Ouais. Cool. Mais où est-ce que je m'en allais avec ça? Dans le fond, c'est que moi, j'aime beaucoup les photos moments. Comment est-ce que je pourrais appeler ça? Moment normal. Oui, OK. La vie quotidienne. La vie tous les jours, là. La vie quotidienne, vie tous les jours. Tu sais, souvent, un enfant qui s'est fait mal au genou puis qui pleure, fait qu'il prend photo en place de m'en occuper. C'est ça, du genou ou du... C'est magnifique. J'ai fait des vidéos, mais ça, c'est une blague, mais des vidéos, des cours vidéo, des courts moments. Tu sais, je me souviens, à un moment donné, j'étais juste assis dans les escaliers dehors puis les enfants jouaient puis je les ai juste pris en photo pendant qu'ils jouaient. La photo n'est pas si belle que ça, mais je trouve que c'est des moments quotidiens qui... C'est des souvenirs. Qui a une signification, souvenir en arrière. Puis, oui. Je pense que des fois, au-delà du setup, la photo, ce qu'elle veut dire pour toi, est très importante aussi. Mm-hmm. Oui, absolument. Mais ce que j'aime, si vous me demanderiez quel type de photo que j'aime beaucoup. Oui, c'était ma prochaine question. Ouais, j'aimerais faire du portrait. C'est vraiment le style de photo que j'aime. Aussi. Les lentilles fixes, je lorgne de m'acheter une lentille fixe, une lentille fixe pour mon SLR. Ben, d'ailleurs, ils ne sont pas très chers. Hein. Si tu as un Canon quelque chose, là, Rebel, c'est à peu près 110-120 ouais, je pense, ça, un 50 mm. Je regardais, puis j'aimerais prendre parce que Christian prend des super de belles photos portraits. J'adore les photos portraits que Christian fait. Moi, je te dirais, là, attends un peu, puis prends une 85 mm. Oui. C'est ça que j'allais dire. Moi, je suis en amour avec cet objectif-là. Là. C'est de loin le meilleur achat que j'ai fait depuis longtemps. Ou même, attends pas, puis va t'acheter une. C'est Noël dans deux semaines. Oui, okay. Ouais, mais il a déjà passé le Père Noël, je pense, chez eux. Il s'appelle un Surface Book, là, je pense. Oui, c'est déjà passé chez eux. Ah, c'est un tout petit cadeau, ça. Oui, c'est ça. Mais bref, je regardais peut-être autour d'une 55 mm. Mais c'est bien aussi. Une 85, c'est bien parce qu'on ne peut pas jouer avec une 85. Avec une 85, il faut être assez loin pour... Oui. Ben, c'est l'avantage. Surtout que les enfants, parce que même à 55, je trouve, tu es quand même encore assez proche de l'enfant qu'il te voit plus que... Il a conscience de Il a conscience que tu es là. On dirait qu'avec la 85, tu es encore plus reculé, puis... Tu disparais de le champ de vision, tu sais. Ou c'est peut-être juste les miens, remarque. Non, mais ça. C'est bien ce que tu dis. Sauf que avec une 50, tu peux te débrouiller à l'intérieur. Une 85, pas mal moins. Oui, ça, c'est vrai, par exemple. Ça dépend ce que tu veux faire avec. Ben, tu sais, dans ce temps-là, moi, quand je suis plus à l'intérieur, c'est ma 24-105 que j'utilise. Ça, moi, c'est mon passe-partout, là. Mais si je veux faire du portrait, c'est vraiment la 85 mm. Parce que c'est ça. Moi, j'ai une 90 plein capteur, là. Puis même, le bureau est assez grand ici, le studio. Puis je peux pas, là. Non, je sais. Photographier quelqu'un, il faut que je sois à un bout de la pièce puis que la personne soit à l'autre. C'est des photos dehors, surtout, que tu peux faire avec ça. Mm-hmm. Mais bon. Ça, c'est ce que j'aime beaucoup. Sinon, je m'amuse avec les filtres. Comme vous connaissez tous, l'application, c'est Prisma. Ouais. Oui. Qui est paru cette année. Puis je me suis amusé à faire des photos sur Instagram avec des Pokémon solo. Comme si, tu sais, pour rendre une. Tu sais, c'était l'événement Pokémon Go cette année. J'ai eu pris ça en même temps. Ça fait que là, je prenais, exemple, une photo d'un coin de pelouse sur le bord du trottoir. Puis là, je prenais un Pokémon en photo sur le bord du trottoir, comme assis triste sur le trottoir. Puis je passais ça dans Prisma. Ça donnait un effet. Ça devait être pas pire. Je l'ai pas vu, ça. C'est bon. Triste. Ah oui. Assis tout seul sur le bord du trottoir. J'adorais l'effet. C'était vraiment juste pour. C'est vraiment juste pour s'amuser. Oui, oui. J'ai pas fait ça longtemps, mais je trouvais ça très drôle. Je pense que je vais en faire d'autres de ça. C'était vraiment amusant. Mm-hmm. J'aime un peu n'importe quoi. Les boys, je veux vous féliciter pour la centième, moi aussi. Merci beaucoup. Merci. La centième, c'est quelque chose de spécial. On invite Denis Talbot d'habitude à la centième. C'est vraiment quelque chose de oui, spécial. Oui, oui. Ça fait plaisir, les gars, d'être là, tu sais, puis de parler de photos avec vous autres. Ça fait longtemps que je veux le faire, puis là, finalement, ça donne. Mais merci de l'invitation. Oui. Et je vous souhaite sans trop de chaud, les gars. Merci. Ouais, merci. On aimerait beaucoup. Ça. Bon, ouais. La motivation ça, est là, en tout cas. Mon fameux Pokémon triste. C'est bon. C'est le bord du trottoir. Ah ouais. Mais j'adore l'effet. Je trouve, au final, je trouve que ça donne vraiment le résultat que je cherchais. Fait, mm-hmm. Des fois, c'est. T'sais, on cherche beaucoup des photos parfaites. Regardez comme celle que Denis. Ça n'a pas besoin d'être compliqué pour faire quelque chose de le fun. Ouais. Des fois, c'est juste de s'amuser aussi avec les outils qu'on a. Exact. Mais ça, c'est mon petit voisin qui apprenait à patiner. OK. Avec des chaudières. Okay. Ça allait pas bien. Non, hein? C'est... Il s'est mis à bouder. Il faut que ça arrête au plus vite. C'est excellent. Une espèce de poubelle avec laquelle on sert à patiner. C'était un moment qui était inoubliable. Oui, oui, oui. Il était pas content. Mais quand tu dis ça, c'est des moments, des souvenirs. Ben là, je sais que c'est pas tes enfants, mais pareil, quand tu pognes tes enfants dans des affaires comme ça, moi, c'est ça que je trouve le fun. Quand ils s'en rendent pas compte, quand ils savent pas que... En train de faire la moue, en train de rire ou de... J'ai réussi à prendre mes enfants à un moment donné qui avaient un moment de complicité. Où mon fils au soccer, la semaine dernière ou il y a deux semaines, il y avait un moment de complicité avec un coéquipier. Il était assis par terre puis il se parlait pendant qu'il y avait une petite présentation. Puis j'ai réussi à les prendre. J'avais ma 70-200. Puis c'était vraiment... Le regard entre les deux, là, les deux gars, là, c'était vraiment quelque chose. C'était dans, dans ta cour, beau, ça, un beau petit renard dans ta cour, oui. Ça, en fait, c'est aux îles de Boucherville. Ah oui, je suis déjà allé, là, oui. Et puis, à un moment donné, je vois cette belle petite créature-là qui est en train de prendre le soleil. Wow. J'ai sorti ma caméra que j'avais dans l'auto. Je me suis mis à plat ventre sur l'overpass. Et puis, je l'ai pris avec un 70-200. Ouais. La mademoiselle ne bougeait pas du tout. Je sais que c'était une mademoiselle parce qu'il y avait des petits renards qui étaient autour d'elle et qui grattaient les oreilles. Fait que c'est super cool. C'est des moments magiques comme ça qui sont Ouais, t'as raison. Moi, j'ai fait une belle photo de couleuvre aux îles de Boucherville parce qu'à part des canards et la couleuvre, on n'a pas vu grand-chose cette journée-là. Les cerfs de Virginie étaient partis. Il n'y avait pas grand-chose. Mais bon, c'est pas grave. Ça a fait une belle marche de plusieurs kilomètres. Alors, si vous êtes déjà venu à Musique Plus, vous faire maquiller, ben c'est notre Marie-Lou National qui est en noir et blanc, filmée à son insu. En fait, c'est une photo que j'ai prise dans le miroir. Ouais, ah, ouais, cool. Ça paraît même pas, c'est bon. Ben... Hey, j'ai vécu ça une fois, moi, me faire maquiller à Musique Plus. Ça t'est arrivé quelques fois, je pense, toi, Denis, de se faire maquiller à Musique Plus. Ouais, Denis, il a dû trouver ça bizarre à avoir un quotidien où il se faisait pas maquiller. J'avoue que ça fait bizarre, effectivement, mais ça fait du bien aussi. Oui. Hein. Quand ça fait 17, ben, fait, moi, ça fait 30 ans que je fais ça, là, puis tu fais beurrer tous les jours. À un moment donné, tu dis non. Oui. C'est une des rares choses, j'imagine, que tu manques pas trop, dont tu t'ennuies pas trop. Non, mais ce qui manque, c'est la gang, surtout. Oui, ben oui. Hey, c'est vrai. Ça, dans la salle de maquillage avant, ça, c'est toujours agréable. Ben oui, on a vu les photos passer ces temps-ci, justement, de Ben Gagnon puis de Benoît Mercier. Oui. Les souvenirs d'il y a deux ans. Oui. Mais je pensais à ça, Denis, tu le sais pas, là, mais peut-être, François, je sais pas si tu vas t'en rappeler, mais pendant le verglas, on est allé à Québec avec un gars qui venait du Brésil. Oui. Puis on a soupé dans un restaurant dans le Vieux-Québec, puis tu étais à la table à côté de nous. Mais bon, ça fait, ça fait 18 ans de ça. Mais j'ai dit, hey, c'est Denis Talbot à côté de nous autres, tu te souviens pas? Non. Mais on était avec des amis, puis... On avait été voir le show des Rolling Stones. Ah, bon, tu vois. Et puis moi, je venais de passer au feu deux, trois jours auparavant. Ah oui, donc, OK. Attends un peu. Non, j'ai passé au feu quelques jours après. Après? Le show des Rolling Stones. Oh, OK. Et puis, non, c'était ça. On avait descendu là-bas, puis sans venir, ça avait pris 4 heures dans le verglas avec un petit autobus. Ah. J'avais beaucoup aimé le show là-bas. C'est en sortant qu'on a eu la surprise de voir que c'était la fin du monde. Ah, oui, hein? Qui commençait, justement. Oui. Mais non, je ne me souviens pas de vous autres, mais je suis sûr non, que non, c'était mais... Non, ben c'est ça, je peux aller dire bonjour parce qu'on se connaissait pas à l'époque, là, mais en tout cas, puis tu sais, quand tu es en train de souper avec des gens, tout ça, tu vas pas déranger non plus. Il y a 18 ans, tu dis, ouais, moi, ouais, c'était à peu près l'époque. Moi, j'ai travaillé à Musique Plus, c'était à peu près dans cette époque-là. Fait que je croisais Denis sans vraiment le connaître. Je faisais des reportages extérieurs, ouais. Montre-moi, je ne suis pas de voir, mais dis-moi toi ta face. On peut-tu tourner le laptop? Ben, Denis, je ne pense pas qu'on s'est croisés ou travaillé ensemble, mais ça fait longtemps quand même. On ne tournera pas le laptop, mais... je vais me déplacer, tiens. Ça va être bien plus simple. Ah, François va se déplacer. Il y en a eu beaucoup de monde qui sont passés. Mais il a changé, il ressemblait à Kevin Parent dans le temps. Seigneur. OK, oui. T'as-tu caméraman à l'époque? Kevin, oui, oui. Ouais, il était caméraman à l'époque. Non, mais tu sais, t'avais les cheveux longs, t'avais une couette. Oui. C'est ça. C'était à cette époque-là. Ça fait longtemps que vous le connaissez quand même. François, ça fait pas loin d'un quart de siècle qu'on se connaît. Ouais, ouais. L'école secondaire? Non, par les BBS. On s'est connus par les babillards électroniques. Oh my God. Ouais. Parce qu'on aimait le même genre de musique. On avait, en tout cas, on... On avait des BBS à la maison. On avait un BBS à la maison. On a eu un Amiga, tout ça. Mm. Fait que... Voilà. Ah, quoi, je fais du bruit? Tu fais du bruit. Tu fais du bruit. Dans le micro. Il peut pas le couper en bas. Non, c'est ça. Ah, OK. D'habitude, on va dévoiler un secret. D'habitude, je fais un petit peu de montage pour couper ce genre d'affaires-là, mais là, j'en fais pas aujourd'hui. Ça, c'est un autre que j'avais fait. Une autre photo, c'est dans un tunnel en bois, dans une cabane à sucre avec des planches de 2x6. Ils ont fait une espèce de forme, une structure, puis ils se tombent là-dedans avec une 10 mm. Ils se mettent la tête dans le tuyau. Et, ça wow. Tu sais, des petits moments qui font que wow, ça fait. Ben oui, c'est cool. Ben, c'est assez psychédélique en effet. Avec la 10 000 mètres. Tu sais, l'effet chair, quand j'ai eu ça, je suis venu fou avec ça. Ouais. Ben, c'est une sorte d'affaire, tu sais, c'est ben oui, parce que tu découvres une autre perspective complètement. Tu te rends compte que, OK, tu peux te déformer, tu peux allonger des lignes, tu peux... Et c'est ça. Puis bon, si tu te colles trop sur des objets, c'est là que ça marche moins. Ben quoi que le tuyau dans lequel tu étais, ça marche, là, l'effet. Là, t'sais, d'être avec Photoshop, tu peux les lignes courbes, tu peux les ramener. Tu peux tout arranger ça après. J'ai mis une shot au bout du bras dans mon camion, j'ai un Rapid 4, puis j'ai pris la photo. On dirait que je suis dans une bulle d'hélicoptère. Ouais. Ça fait des shots vraiment superbes. Puis t'as dit qu'il y a un arrière qui est en train de pitonner. Fait que ça fait une bulle ronde. On dirait qu'on vole. Finalement, c'est une photo. Super. Bon, ben merci beaucoup. On va. Écoute, on a un autre invité en attente aussi. On a Pascal Forget qui attend sur Skype. Puis je tiens encore à vous remercier, vous deux, Denis et Maxime. C'est vraiment cool de vous avoir eu sur l'émission. Puis, si vous passez à Laval à un moment donné, puis on a un show, gênez-vous pas. Oui, là. Hein? Quand je vais dans la région, ça me fait tout le temps d'aller coucher sur le divan, Stéphane. Moi, yes! Non, c'était un matelas gonflable, c'était pas un divan. Mais quand même. Mais j'ai un divan, là, j'ai encore un matelas gonflable. On est équipé. On s'arrange. Tu viens quand tu veux. Mais sérieusement, merci pour l'invitation, c'est vraiment le fun. Puis écoute, vous êtes un autre centième encore. Ben, merci beaucoup. Merci. Salut tout le monde. Salut, à la prochaine. All right, c'est bon. Salut. Merci. Bye. Pascal également, avec qui j'ai le plaisir d'animer. Planète Techno, ouais, cool. Oui. Salut. Salut, bye. Bye. Bonne soirée. Salut. Et maintenant? Bon. Et maintenant, ben, on n'a même pas le temps de passer à un autre sujet. On appelle Pascal Forget sur Skype, puis là, on va pouvoir transférer la fenêtre. Tu double-cliques. C'est ce que j'ai fait. Ah, c'est ce que tu as fait? Non, mais fais-le ici d'abord. Puis c'est un écran tactile en plus, c'est merveilleux. C'est moderne, toi. Ah oui, on peut. Wow, regardez ça. Ah, il veut pas. Ben oui, je veux. Oui, oui, ça sent bien. Toi, tu veux, mais oui, Windows veut pas. Ouais, ben ça, c'est pas nouveau. Windows veut pas. Tiens, on va maximiser comme ça, voilà. Maximiser. Hey, c'est un feu roulant d'invités. Salut, Pascal. Bonjour, content de vous parler. Ben oui, mais merci de ta présence, toi aussi. Pascal, t'es déjà venu, oui, mais t'es déjà venu en personne dans le magnifique studio qui était dans un sous-sol avant. Maintenant, c'est plus moderne. Tu ne vois pas, là, mais je t'enverrai une photo. C'est réaménagé, c'est plus moderne. Puis c'est mais ben, toujours à Laval. Par mais toujours à Laval. Ouais, on ne peut pas tout avoir. Non, mais Pascal avait bravé le métro jusqu'à la station Montmorency. Hey, je te dis. Ouais, quand ben, même. Comme Maxime. Ça que j'ai comme fait. Maxime. Ça fait, ouais. Maxime, ça fait même trois fois, je pense, qu'il le fait. Fait que... Des gens courageux comme ça. Là. Pascal, j'ai pas regardé, mais ça fait quand même longtemps que tu étais venu. Je pense que ça doit faire 3 ans, toi aussi, que tu es venu sur l'émission. Oui. Puis, écoute, on se parlait un peu plus tôt aujourd'hui de comment il y a encore beaucoup d'éducation à faire côté photo auprès des gens, hein, parce que... Oh mon Dieu, oui. on parlait de à quel point... Ben, même de, c'est qui, Denis, qui en a parlé? Oui, que justement, les gens se collent au mur, ou tu sais, collent les gens, approche-toi du mur, tout ça, puis... À quel point c'est mal cadré, c'est mal éclairé. Ouais. Ben, si je me rappelle bien, quand tu étais venu, Pascal, tu avais parlé de l'orientation des photos, de prendre des photos de haut en mode portrait plutôt que paysage, ça avec là, le les monde. Vidéos, continue, tu veux dire? Les vidéos. Il y en a encore beaucoup de vidéos comme ça. Ah, ouais, c'est ça, les photos, ça va. Ça peut toujours aller en mode vertical, mais les vidéos, filmer à la verticale, je trouve ça encore extrêmement étrange. Ouais. On imagine le vidéo viral avec l'autobus qui est rentré dans une voiture de police avec un autre autobus. Imaginez si ça avait été filmé c'est à la verticale, cette vidéo-là. Ouais. Les trois quarts de l'image n'auraient pas été utilisés. On n'aurait rien vu. Pourtant, les gens continuent d'avoir le réflexe de filmer à la verticale. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Décourageant. Je pense qu'il faudrait frapper les gens. Donc, je ne vais pas dire de choses qui encouragent la violence. Je suis un peu d'accord. C'est une blague. Oui. C'est une blague. Non, c'est une application. Vraiment... L'application ne te donne pas le choix de filmer en paysage. Oui, il y en avait une application qui empêchait de faire ça. Mais là, avec Snapchat, les stories Instagram, il me semble que ça va encore exacerber le problème, non? Ouais, ben je sais pas, mais oui, ou à la limite, qu'ils transforment ça en carré, en image carrée. Ou... L'image carrée serait une option, mais aussi tout simplement que l'appareil filme, que le cadrage se fasse automatiquement. Oui. Peu importe comment tu tiens ton appareil, oui. Ouais. Que l'objectif soit pivote ou soit qu'il soit carré. Peut-être que le carré a des belles années devant lui. Mais moi, je pense là, que tu as une piste, mais ça serait encore plus facile que par logiciel, ça recadre en format paysage. Parce que l'objectif est beaucoup, le capteur est beaucoup plus gros qu'une vidéo 1080p ou même 4K. Les capteurs, là, ils vont jusqu'à 13 ou 16 ou 20 mégapixels. Puis même une vidéo 4K, c'est 8 mégapixels. Si on réoriente dans l'autre sens, ça serait faisable, d'après moi. Là. Ce serait possible en même temps, l'objectif, est-ce que la déformation à la verticale. Ouais, c'est ça. Je ne sais pas si la déformation de l'objectif ne va pas changer quelque chose dans l'image, mais les gens vont peut-être être déçus, ils vont tourner l'appareil pour filmer à la verticale. Je sais que tu as raison, c'est ça qui est le pire. Ils vont se demander pourquoi c'est encore à l'horizontale. Oui. Ils retournent leur téléphone. Mon téléphone ne marche pas. On pourrait vendre des télés verticales. Oui, on pourrait vendre des télés verticales. Ouais. Ben, c'est que la passée, il y a 2 ans, j'avais vu un festival, je pense que c'était en Europe, je ne sais plus exactement, mais c'était dans une église, puis c'était un festival de vidéos verticales. Mais c'était, le monde avait comme, pendant un mois de temps ou un certain laps de temps avant, c'était déjà planifié, donc c'était voulu. Donc là, il y avait une dimension. Oui. Quand c'est voulu, ça fait toute la différence. J'avais vu des films verticaux comme ça, où c'était des gens qui faisaient du plongeon. C'est ça, ben c'est utiliser l'image. C'est utiliser l'image. Et là, c'est pensé pour le cadrage est fait en conséquence. Le cadrage vertical est volontaire dans le concept. Donc, tu peux prendre des belles images, puis c'est surprenant. Mais quand on filme des scènes de rue et qu'on voit une personne et qu'on voit pas tout ce qui se passe autour, les gens réagissent, on ne sait pas ce qui se passe. Ouais. Alors que si la personne avait tourné l'appareil sur le côté, ça aurait, selon moi, fait toute la différence. Ben oui, absolument. Mais c'est ça. Quand il y a un genre de festival comme ça, tu peux avoir une démarche artistique ou tu peux avoir justement développé des idées, mais dans la vie quotidienne, je comprends. Filmer à l'horizontale, mesdames et messieurs. Oui, premier conseil. De grâce. Écoute, on parlait justement des choses. Les appareils photo, des nouveaux appareils, des nouveaux téléphones intelligents sont tellement bons. Oui, oui. C'est tellement dommage que les gens ne prennent pas la peine de prendre des belles photos. Les gens vont acheter un appareil photo à 400$. Vont prendre des photos avec, prendront pas des belles photos avec leur téléphone. Souvent, ce que les gens oublient, c'est la lumière. Oui, c'est toujours ça. Les gens prennent des photos dans des scènes sombres, dans des bars, il n'y a pas de lumière. Ils veulent ou pas pire, s'approcher. Ils se disent, pas grave, on va utiliser le flash. Ou le flash ou le zoom. Ah, oh, ça là, c'est... Ils s'approchent, ils prennent une photo de quelqu'un l'autre bout, très loin. Là, ils zooment. Il y a quatre pixels moins qui restent. De lumière. Le capteur marche pas très bien. Ça fait pas des très belles photos. Non, non. C'est ça. Puis, un truc que j'ai découvert en observant quelqu'un prendre un selfie, placez-vous devant une fenêtre. Tant qu'à faire un selfie, ben oui, ou devant une porte patio. Ben oui, parce que souvent, les gens vont se prendre. Puis, bon, premièrement, quand tu es près d'une fenêtre, c'est rare que tu vas avoir un mur proche de toi ou un décor. À la limite, il va peut-être être un peu flou même à cause de la profondeur de champ. Fait qu'on ne peut pas se tromper en étant proche d'une fenêtre ou d'une porte. Mais encore là, puis ça m'est arrivé il n'y a pas longtemps pour avoir fait des tests, c'est que oui, c'est beau d'avoir la lumière en avant de toi, mais fais quand même attention parce que ton cellulaire, tu fais de l'ombre aussi sur toi. Oui, ça dépend où tu le places. Fait que bouge-toi un petit peu de côté, tu ne vas pas avoir d'ombre. Un beau selfie avec un rectangle dans le visage. Faites comme les photos des gens qui sont sur Instagram. Engagez des professionnels et faites semblant que c'est un selfie. Oui, c'est ça. Oui. Faites des photos avec un appareil photo professionnel, un éclairage professionnel. Et là, dites « Ah, je suis naturel et spontané dans ma salle de... » Je vois ce que tu as... Oui, je vois ce que tu viens de faire. Regardez le linge que je porte en ce moment. Oui. Ah, Pascal règle des comptes. Ah, non, c'est pas vrai. Passe des messages. Pas de chance qu'on ait un nom, là. Non. J'ai décidé que j'étais gentil ce soir. J'ai pas encore commencé à boire, moi. Ah, ben écoute, qu'est-ce que t'attends? Qu'est-ce que t'attends? Ben oui. Écoute, il faudrait que j'aille chercher. J'ai une envie de tequila. Ah, bon. Oh boy, ici. L'autre truc en photo qui est très drôle, c'est les photos de profil. Je regardais sur un profil de quelqu'un sur Facebook que je connaissais pas, mais on a beaucoup d'amis en commun. Fait que je me dis, c'est qui cette personne-là? Et je vous assure, je pense qu'il y avait 20 photos de profil. Il n'y a pas une de ces photos-là où elle était seule. Mm-hmm. Et je ne sais toujours pas c'est qui. Parce que comme il y avait toujours 2-3 personnes sur la photo, tu essaies de voir qui est sûr. C'est comme Tinder. Oui, c'est comme Tinder et certains sites de rencontres. La fille amène une photo, mais elle n'est jamais seule. Fait que tu ne sais pas si c'est vraiment... Elle est tout le temps plus laide que les autres. C'est ça. C'est laquelle la célibataire dans les deux? Quel choix étrange. On ne le sait pas. Et l'autre chose aussi qui est remarquable dans les appareils photo, les téléphones intelligents, spécialement le... Pixel, c'est la stabilisation de la vidéo. Oui. C'est incroyable comment on peut prendre des photos qui sont plus... Pour prendre une photo floue avec un appareil des deux dernières années, il faut presque faire exprès. Oui, parce qu'il y a tellement de stabilisation, il y a tellement de corrections, l'exposition est tellement améliorée que les photos sont souvent pixelisées parce qu'il n'y a pas assez de lumière. La lumière, ça aide vraiment énormément. Mais c'est de plus en plus rare, les photos floues. Et je trouve que c'est de plus en plus fâchant quand on voit des photos floues qui sont publiées. Bien, le problème, je pense, c'est que nous, on est habitués aussi à la dernière technologie parce que, bon, on n'a pas présenté adéquatement Pascal. Quand même, Pascal co-anime Planète Techno et chroniqueur techno depuis... Ben, c'est pas que je suis co-animateur, non, Jean-Michel va me détester. Ah, excuse-moi. Chroniqueur, pardon. Mais c'est parce que Denis venait de dire je co-anime. Ouais, tu collabores. La différence entre être chroniqueur ou collaborateur et co-animateur, c'est le salaire. Oui, c'est ce que François disait. C'est un ordre de grandeur différent. Bon. Oui, écoute, comment tu nous payes, toi, Jean-Michel, Jean-Michel, Pascal mérite un salaire de co-animateur. Je vais lui dire la prochaine fois qu'on se voit. Non, mais blague à part, ça fait longtemps que Pascal teste des gadgets, des appareils et tout ça. Puis on est allé à 2 CES ensemble les 2 dernières années. Puis là, ben, vu que j'y allais pas, Pascal a décidé de ne pas y aller non plus par solidarité. C'est super gentil. Je suis sûr, oui. C'est presque ça l'histoire. Mais oui, ça, je peux te laisser aller avec ça. Peux-tu aller au CES et te rappeler du CES? Ça se peut-tu, ça? Ben, c'est à Vegas, hein? Donc, ce qui se passe à Vegas reste flou comme dans une photo mal... Ouais, et je pense que les gens réalisent pas à quel point le CES, quand tu es le moindrement un chroniqueur techno sérieux, c'est... Tu n'as pas l'occasion. Tu n'es pas comme quelqu'un qui travaille dans l'industrie et qui va rencontrer des clients et faire la fête après. Mm-hmm. Quand tu as à écrire, quand tu as à faire des chroniques à la radio, quand tu as à faire des chroniques à la télé, c'est dur. Oui. C'est très dur et tu peux pas... C'est sûr qu'on prend un verre le soir, mais c'est pas vrai que j'ai viré de brosse à Vegas. Non, parce que tu sais que tu dois te lever très tôt le lendemain matin. Il y avait l'année dernière une conférence de HP à 7h ou 7h30 un matin, conférence téléphonique. Là, tu es comme, OK, je suis encore dans ma chambre d'hôtel, mais à 7h, 7h30 le matin, alors que je me suis couché pour passer minuit, là, je dois écouter une conférence pendant une heure de temps au téléphone. Je pense que je commence à pleurer. Non, mais t'es à Vegas, puis t'as une conférence par téléphone. Quand tu te couches à minuit à Las Vegas, il est 3 heures du matin à Montréal. Oui, il y a le décalage. Le décalage, et là, tu te réveilles. Ton corps se réveille à 5 heures du matin, heure de Vegas, 8 heures de Montréal. Et tu te sens bizarre. Oui. C'est pas le fun. Et là, j'ai un flash, j'ai un beau flashback. La seule fois où j'ai abusé à Vegas, c'est de nourriture. Ah oui. J'étais allé avec un ami dans un restaurant à steak. Je pense que le steak coûtait 80$. Et il y avait des frites à la graisse de canard. Ouh, on s'éloigne de la photo. Oui, c'est pas grave. Photo, c'est la centième. Je me souviens que je suis arrivé à la maison et j'ai dû évacuer. Dormir très longtemps, oui, c'est ça. Non, je me suis couché, puis je me suis posé la tête sur l'oreiller, j'ai fait. Je pense que j'ai trop mangé. Et voilà. Je compte des détails. Oui, hein. C'est toujours des belles histoires, bon, Pascal. Non, mais j'aimerais ça être propre. J'aimerais raconter des histoires propres, mais non, je suis incapable. Mais c'est pas grave, c'est plus divertissant. Exact. Les anecdotes, ça rend plus attention aussi. Mais... Puis est-ce que là, on parle de photos, de vidéos, de ce qui est bien, de ce qui est mal. Toi, est-ce que tu as fait. C'est un quoi, un Fuji ou un Olympus que tu as, toi? Ou tu en as eu un à un moment donné, en tout cas? Je pense que tu as un Olympus. Mais Olympus, oui. C'est moi qui sais quel équipement qu'il y a. Ouais. Non, c'est juste que tu me poses la question comme ça. J'avais un Nikon, j'ai un Olympus. Ah oui, c'est vrai, tu avais un Nikon aussi. Mais mais que ce soit avec. Est-ce que ça fait longtemps que tu as fait de la photo avec ton appareil photo? Je prends des photos parce que c'est un objectif fixe, un 35 mm, je sais à quelle distance prendre une photo, grande ouverture, je m'installe au-dessus de ma table, je peux prendre une magnifique photo avec pas trop de lumière. Tu fais de la photo de produit finalement. C'est pour ça que j'ai pris cet objectif-là qui m'avait coûté, juste l'objectif m'a coûté 600$ le prix d'un téléphone. Ouais. Et je me trouvais un peu cinglé. Mais j'ai pris des photos de produits au CES, il n'y avait pas de lumière, je m'installais au-dessus d'un produit, je prenais une photo, je savais qu'elle était bonne, parce que l'ouverture était tellement grande que ça prenait des belles photos, même dans les conditions, souvent au CES, c'est mal éclairé. Ah, c'est très mal éclairé, où il y a des belles vitrines avec des traces de doigts partout. C'est ça, puis des gens qui ont des petits appareils, puis essaient de prendre des photos, puis ils prennent une photo, deux photos, trois photos, puis ça ne fonctionne pas. Moi, j'aimerais ça arriver, prendre une photo, et là, je m'en allais fièrement, j'avais ce que je voulais. Mais non, je me sers pratiquement plus de l'appareil photo. Non, hein, c'est ça. Faut dire que j'ai jamais été un fan de photos. Tu m'as déjà invité à une promenade photo, puis je trouvais que l'idée était super sympathique. Un, de penser à moi pour me faire sortir. Je trouvais ça extraordinairement gentil. N'importe quand tu fais ça, ça me fait plaisir. J'y vais pas, mais ça me fait plaisir. Non, je sais, tu viens plus souvent pour prendre un verre que pour faire de la photo. C'est une autre histoire. Priorité, c'est correct. C'est pas un grand plaisir pour moi. J'aime saisir des moments. Puis, quand tu as maintenant les appareils photo des téléphones qui sont incroyables, par rapport à ce qui est... J'ai testé les premiers appareils photo numériques. C'était 1 mégapixel. C'était la fin du monde. Ça prenait des photos horribles. C'était dégueulasse. Je regarde mes premières photos numériques. C'était des appareils qui coûtaient 1000$, 1200$. Puis ça prenait des photos épouvantablement mauvaises. Puis ça enregistrait sur une disquette 3 pouces et demi. Oui, c'est vrai. Un des premiers Sony Mavica enregistrait sur une disquette 3 pouces et demi. C'était énorme comme appareil. Deux photos. Wow. Ouais, deux, trois photos et la disquette était pleine. Heureusement, j'ai pas essayé celui-là, mais j'ai essayé celui d'Apple. C'était une carte mémoire, je pense, mais c'était les cartes énormes. Je confonds peut-être, mais avec un téléphone, tu sors ton téléphone de ta poche, tu prends une photo, tu as maintenant le choix de deux objectifs. Avec le iPhone 7, tu as deux objectifs qui servent de zoom, donc tu perds pas de résolution. Ça, c'est un bon zoom, c'est correct. Le LG V20 aussi, qui a un grand angle. Le V20 que j'aime beaucoup, beaucoup pour le grand angle. Ben d'ailleurs, est-ce que tu as un préféré dans les derniers appareils? Parce que je sais que tu as aussi le Pixel XL, le V20. En ce moment, j'ai le V20, mais... J'ai aussi le Pixel à côté. Eh oui, moi aussi. Toi aussi, t'as un beau petit cover. Écoute, c'est vraiment drôle. Tu veux un cover pour ton appareil photo, tu te sens pas très inspiré. Oui, toi, t'as celui artistique fait par des artistes de Montréal. Mais j'ai le... Je pense que je l'ai, celui-là. Ben toi, ils te connaissent bien, ils t'ont envoyé de la bouffe, tu sais. Ben c'est ça, je cherchais un motif assez rigolo. Je sais pas si on peut voir, je vais approcher un peu. Oui. On voit très bien. On voit très, très bien, Je trouvais que c'est beau. C'est mignon. L'écran. Quand je l'ai reçu, je m'assume moins de... Quand je sors ça de ma poche, Ah, je l'amènerai à Ricardo, moi, ce téléphone-là. Oui, ben ouais, toi, tu poignerais sur Pompette. Ou bien Eric Salvaille. Ouais. Mais pour côté fruité. C'est ouais. ça. Mais pour revenir à ma question, c'est ça. Quel appareil... ben, je sais que tu ne vas pas sortir nécessairement faire de la photo avec ton téléphone, mais quel appareil préfères-tu en ce moment côté photo quand tu en fais, parce que tu as dû en prendre avec tous là, pour les tester et ben, tout ça? Là. Le Pixel prend des photos vraiment incroyables. C'est vraiment surprenant comment les photos sont belles. J'ai pris des photos avec l'iPhone 7. J'étais surpris, évidemment, mais je m'attendais à ce qu'elles soient belles avec ouais. l'iPhone 7. Avec le Pixel, je pensais pas que ça sortirait aussi bien que ça. Mm-hmm. Puis l'indice là, DxO... 89. Là. 89 plus que celui du iPhone 7. Fait que si j'avais à prendre des photos, quand je prends des belles photos, je me sers du Pixel parce mm-hmm. que ça bien. Mais j'ai un petit conseil pour toi. Hey, attends, peut-être que tu le sais déjà. Le mode, mais, non, mais pour prendre. Parce que le Pixel, il tire un peu sur le jaune dans la balance des blancs, l'équilibrage des blancs. Tu peux le prendre. Tu peux prendre tes photos avec Lightroom Mobile. Parce que ça prend aussi des photos en format DNG, en format RAW. Oui. Mais pas à la base. Dans l'application photo, ça prend juste des JPEG. Puis, tu as juste, je pense, 5 modes d'équilibrage des blancs. Fait que tu peux pas vraiment jouer avec la température comme tu veux. Puis, c'est pas toujours exactement sur la bonne. Puis, sinon, il y a caméra EVF5. Là, je me souviens plus du nom exact. Là. EV5. En tout cas, FV5. Ouais, quelque chose comme ça. Ouais. Je vais mettre le lien dans les notes d'épisode. Installe ça. Puis, Lightroom Mobile, si tu as Lightroom. Là, installe Lightroom Mobile. Tu peux tout faire tes ajustements tout de suite sur ta photo. Puis, ça se synchronise avec ton PC. Ou ton Mac. Mais tu vois, moi, je fais comme 99,5% des gens et je suis prêt à parier sur le pourcentage, c'est probablement plus élevé que ça, de gens qui ne font aucune retouche ouais. sur leurs photos, sauf les filtres. Évidemment, les filtres. Ouais, OK. Non, mais les moi, gens je... aiment mettre des filtres. Ouais. Moi, j'évite les filtres. Ben, honnêtement, moi aussi, mais à l'occasion, ça corrige une photo rapide quand tu n'as pas le temps de la changer. Oui, c'est juste ça. Oui. C'est juste mais ça que je vais faire. C'est que les gens se servent de ça comme béquille, mm-hmm. prennent des mauvaises photos, oui. mettent un filtre et ça devient la façon d'avoir une belle photo alors mm-hmm. que tu aurais pu mettre un peu plus de lumière, tu aurais pu faire quelque chose d'un peu plus clean en portant un peu attention avec ta photo. Mais ce que j'aime beaucoup, beaucoup du V20, c'est le grand angle, le très grand angle. Oui. Ben, il déforme un peu, mais il est très utile. Il déforme ouais. énormément. Moi, je dis un peu, mais tout le monde me dit non, énormément. Oui, c'est vrai, François aussi. C'est énorme, mais quand tu veux prendre une ambiance, par exemple, quand tu es dans un bar, quand tu es dans un restaurant, tu veux montrer, oui. Au lieu de montrer l'angle que ça donne, c'est magnifique. Tu oui. vois, hey, tous les amis, on est ici. Boum, tu peux montrer une tablée au complet, tu peux montrer, et tu n'as pas besoin de te reculer l'autre bout de la pièce, tu peux le faire de très près. Et tu peux avoir un très bon... et donc, cette possibilité-là est fantastique. Avec le iPhone 7, on a choisi de faire un zoom, parce que mm-hmm. les gens aiment ça zoomer. Oui. Sauf que d'avoir un grand angle, je trouve que c'est fantastique. Ben, le V20, ouais. c'est drôle, parce que je vois ça comme le pick-up des téléphones. le SUV des téléphones. Oui. Ce téléphone, il y a la radio FM dedans, oui. il y a l'émetteur infrarouge. Il y a l'audio haute qualité. L'audio avec un décodeur, audio numérique analogique oui. incroyable. Donc, avec des écouteurs, c'est le paradis. Je l'aime beaucoup pour ça. Fait que juste ce petit côté rebelle-là, de ne pas tomber dans le iPhone 7 ou dans le... Ouais. Le Pixel. Mais le Pixel, c'est un super beau téléphone. iPhone 7, Pixel, vous ne pouvez pas vous tromper, c'est deux super belles machines. Oui, absolument. Là, je vais faire des signes, coupe. Je sais non, ce que non, ça non. veut dire. Hein, non, parce que Maxime voulait dire quelque chose tantôt, puis là, il me dit, non, mais là, je pourrais le dire. Mais là, tu pourrais le dire. Comme ça, juste pour les filtres, moi, j'utilise beaucoup. Moi, je suis très axé sur Instagram. Mm-hmm. Juste pour dire que quand tu as des contrastes ici et ça, puis je ne veux pas y toucher, je le mets à 1, juste pour donner l'impression que j'ai travaillé en quelque sorte, je ne reste pas à zéro. Je me sens comme mal, puis je dis que non, j'ai rien fait, mais j'ai touché à toutes les autres options. Là, il peut dire qu'il y a un processus artistique sur sa photo. Là, j'ai essayé quelque chose. J'avais un reflet sur le front qui mettait en valeur ma calvitie. J'ai juste laissé. T'as comme une crotte de nez de lumière, c'est laid à dire, là, mais t'as comme un genre de point blanc sur... Ça, c'est pas de la lumière, c'est mon nez qui est fait de mal. C'est une blague. C'est comme Rudolph, mais blanc. Non, mais c'est drôle parce que je reviens de marcher dehors, j'avais une coulisse de morve épouvantable. Puis je me demandais pourquoi la vendeuse... Je me suis arrêté au magasin. Non, mais on parlait de filtre. Je me suis vu dans le miroir, j'ai fait oh non, mais c'était une cool, c'était rien de. Ouais. Je tombe encore dans le scandale. Ah, c'est ça, mais oh, ouais, c'est l'absence de filtre. Oui, c'est l'absence de filtre. Oh, Maxime, elle est excellente. Mais au moins, tu n'as pas parlé de préparation H comme. Cette fois-ci. Cette fois-ci. Mais non, c'était dans. Non, je ne le lance pas. Je vais couper ton son. Est-ce que j'ai parlé de préparation? Non, non, ça va. Non, c'est bon pour les cernes, apparemment, parce à la préparation. Parce que j'utilise l'autre marque ces temps-ci. Ah, d'accord. Personnel. Générique. Bon. Ben écoute, merci Pascal de ta participation. C'est super cool que tu aies accepté parce que tu avais quand même une chronique à la radio juste avant aussi. Tu travailles, puis là, ben dès que tu as un peu de temps libre, oh, je vais parler avec les gars d'Objectif Numérique. Ça me fait plaisir. je me serais déplacé en personne, c'est juste que la semaine dernière, j'ai fait ma chronique à la radio par téléphone. Oui, je sais. Ça aurait été malaisant de le faire deux fois, puisqu'on avait soupé avec Microsoft. Et Intel. Entre Microsoft et Intel et toi, j'ai fait le choix difficile. Ben, on s'est vu lundi dernier quand même. Fait que je me dis, ben, c'est l'occasion. Correct. Il veut me voir une semaine sur deux. C'est en garde partagée. En garde partagée, c'est ça. Oui. Ben, merci Pascal. Puis, prochaine fois, tu viens voir le nouveau studio. Puis, là, c'est la première fois que les gens le voient vraiment. J'avais posté une photo ou deux là, au début quand j'avais tout réaménagé. Là, les gens vont le voir avec le flux vidéo. Puis là, ben, on a même, justement, on te voit sur une télé. Tu iras voir sur YouTube, là, on est live, puis on a une télé au bout de la table. Puis... Je peux pas faire les deux en même temps. Ben non. J'avais peur que ça coupe la bande passante. Mais là, vous allez avoir une personne de plus qui va vous regarder dans quelques secondes. On sait pas combien, il y en a peut-être pas beaucoup, mais l'important, on est bon. Ben, c'est parce que les Français sont tous couchés. Que vous recevez sur Twitter, ça me fait plaisir. Excellent. Bon, parfait. Merci, Pascal. Il est temps qu'on en reçoive, d'ailleurs. Bye. Salut. Ciao. Tiens. Ah, on a un fond d'écran. Ben, d'ailleurs, ça, c'est une des photos que j'ai fait au bâtiment numéro 7. Là, je l'ai mise en noir et blanc parce que je m'en sers comme... comme wallpaper, comme... Oups! On va refermer Skype. Mais c'est ça, il y avait une planche du jeu Monopoly Monde qui a toutes les villes du monde. Il fallait voter il y a quelques années pour ça. Là. Puis Montréal avait une vieille planche de Monopoly un peu attaquée par l'humidité. Ben oui, j'imagine. Avec plein de plumes de pigeons autour. J'ai absolument rien touché. Il était là par terre comme ça. Puis c'était vers la fin, il commençait à faire noir un peu. Puis j'ai photographié la... Elle est plus belle en couleur, mais comme c'est mon fond d'écran de Windows... Tu veux pas que ça soit trop coloré? Ben, c'est ça. Ouais, j'aime pas ça, les trucs trop colorés. Fait que quand je fais des photos noir et blanc, je change mon fond d'écran, puis je m'en sers comme ça. Ça fait, ça dérange moins un peu quand on travaille avec les icônes et tout ça. Bon. C'est pas mal plus fun, le Monopoly, comme ça, que quand je vois. Oui, c'est ça. Hein? C'est plus intéressant, cette version de Monopoly, où on n'est pas obligé de jouer. Ben, on voit que ça a mal fini, cette partie-là, justement, parce qu'il a été laissé là. Fait que... ouais, ou il y a quelqu'un qui s'est fait plumer. Oh boy! Bon. Alors, c'est le genre de blague. Oui. Ben, si vous écoutez le show, vous les avez entendus. Ouais. Ah, puis j'en coupe pour mon... Non, c'est pas vrai. Bon, on va faire un petit bloc nouvelle hein, pour continuer, parce qu'on a un petit peu de temps. Ben oui. On a un petit peu de temps, ça fait quoi? Une heure même pas qu'on fait les une heure et sept. Alors on défonce! On défonce, oui. On va faire comme Jean-Marc Parent fait. Oh pas. My God, oui. Flashez vos lumières! C'est ça que j'allais dire, mais on ne flashera pas non, les lumières. Non. Et Christian, tu voulais nous parler d'un. C'est quoi exactement? Pourquoi tu veux nous parler de gestion facile, rapide et efficace de notre équipement photo? J'ai vu, c'est sur Kickstarter. J'ai vu quelque chose d'assez intéressant. Il appelle ça le Gear High. Ce que ça sert dans le fond, c'est des petits collants RFID que tu colles sur ton équipement, puis ça te permet de scanner, de savoir qu'est-ce que tu as dans ton sac, puis ça te fait tes listes automatiques de qu'est-ce que tu as. Fait que si tu sais, mettons, exemple, comme notre grand voyageur ici présent, qui décide que lui, pour tel voyage, il a besoin de tel objectif, son appareil photo, son flash, tout ça, bien, tous les collants RFID, bien, il y a juste à les scanner, les passer, puis de même, il sait, j'ai tout l'équipement que j'ai besoin avec moi. Puis ce qui est génial versus le Bluetooth, le RFID, ça ne demande rien. C'est pas pour le... T'sais, t'as c'est pas alimenté. C'est ça, c'est pas alimenté. Ça dure extrêmement longtemps, puis ça coûte rien. C'est une vraie blague, là. C'est vraiment pas très, très dispendieux. Il est déjà financé, le kit. Je vais vous donner un exemple. Comme mettons, à 129$, on a bon, le dongle, là, ce qui te permet de faire le Gear High. Il y a 5 tags pour des choses en métal, puis 15 tags que tu peux utiliser sur d'autres affaires. Fait que, tu sais, je trouve ça intéressant comme méthode. Mm-hmm. Moi, c'est le RFID, moi, de cette chose-là qui m'intéresse le plus parce que c'est cool, Bluetooth, c'est intéressant. Tu sais, je pense que c'est le TAL qui existe, là, que oui. C'est comme des petites choses qu'on peut rajouter, mais c'est parce que si tu perds le signal Bluetooth, ben, tu sais, c'est inutile. Là. C'est un fait. C'est pas super génial, tandis que ça, bon... On s'entend que c'est limité, là, c'est pas la chose la plus extraordinaire, mais ça peut aider pour le workflow de quelqu'un, tu sais, quelqu'un qui oui. veut être sûr de rien oublier. C'est une bonne méthode. Mais absolument. J'en profite pour dire que tu as parlé de moi, voyage, puis d'RFID. Oui. Le voyage que je viens de faire à Denver, j'ai visité une usine de plantation de potes. Oui, on a vu la photo. Et chaque plant de marijuana possédait une puce RFID. Parce que c'est ultra surveillé par le gouvernement. Ils ne voulaient pas qu'il y en ait une qui disparaisse, ça. Exactement. En fait, ils veulent savoir le plan, est-ce qu'il sera en maturité, puis effectivement, est-ce qu'il est disparu ou pas. Fait que voilà, je trouvais ça super intéressant comme note à dire. Mm-hmm. Les plants de marijuana au Colorado sont étiquetés RFID. Bon. Alors voilà. Pourquoi pas? Hein? On va profiter de notre écran. C'est peut-être petit là, pour ceux qui regardent la vidéo, mais on va essayer d'illustrer les topos, les nouvelles et compagnie. Parfait. Ben, C'est comme on dit, c'est que tu peux y aller comme par voyage. C'est comme lui, dans l'exemple qu'on voit ici, c'est Nature Shot. Fait qu'il sait que quand il va aller faire la photo de la nature, ben, il a besoin de son Canon Nikon D800, de son flash, de son 8400-17. Okay. Je trouve ça cool. Ça les équipements. Ouais, je trouve ça intéressant quand même. Là. Je veux dire, de même, tu t'assures d'avoir ce que tu as besoin au bon moment. Ouais. Mm-hmm. Pour le prix, c'est pas mal. C'est quand même bien. Pas si pire, là. Parfait. Bon, mais merci de la suggestion. Et puis là, ben, il reste quoi? 17 jours. Puis là, ben, comme on est live, il reste vraiment 17 vraiment, jours. Oui, exact. Parfait. Ben, merci. François, tu en avais une nouvelle, toi aussi? Oui. Si vous possédez, justement un appareil Sony qui, avec un e-mount, donc les objectifs qui vont sur les A7, les A7S, et que vous avez aussi des objectifs Nikon, c'est pas le temps d'utiliser l'adaptateur Photodiox. Pourquoi? Parce qu'il y a deux personnes qui se sont plaintes que l'adaptateur a fait griller leur appareil. Ah oui? Carrément. Fait qu'il y a deux vidéos sur YouTube qui sont diffusées en ce moment, puis ben, pas diffusées, mais qui ont été enregistrées, puis voilà. C'est l'adaptateur de la mort, comme on peut voir. Ah oui, hein? Il y a un beau crâne. Sympathique. Oui, donc, en ce moment, ils travaillent très fort pour résoudre le problème parce qu'ils n'ont aucune idée pourquoi c'est arrivé. Oh. C'est arrivé sur un 6300 de Sony et sur un A7S aussi, je pense. Okay. Avec certains objectifs précis, je pense, une 85 mm de Nikon, c'est arrivé. Okay. Puis, c'est pas compliqué, l'appareil, tu arrives pour le réouvrir, il y a un show de lumière, puis il n'y a rien qui se passe. Il est briqué, oh comme on dit ça. A7 II. Ouais. A7 Mark II. Lui, il est pas content. Ça fait, je pense, 3 semaines qu'il a reçu son A7 II. Ah non. Puis je pleurerais moi aussi, honnêtement. Ouais. Là, alors, qu'il est en plus. Chez Photodiox, ouais, on dit qu'on travaille très fort là-dessus pour régler le problème. Alors, je vous conseillerais, si vous êtes en train de magasiner ce truc-là, attendez donc un petit peu que la solution soit faite, soit trouvée pour acheter le truc, parce que bon, ça pourrait vous arriver. Oui, absolument. Mais maintenant, j'ai une petite parenthèse parce qu'on a du monde live, fait qu'on va en profiter. Il y a une belle question qui vient de sortir de ben Max Tremblay. Ah, ben voyons. Je regarde de temps en temps, mais là, il y en a une bonne. Il dit, il serait curieux d'avoir notre point de vue des photographes sur le nouveau MacBook Pro 2016, celui avec la touche, avec le pavé tactile en haut. Je peux te dire, Max, je l'ai essayé parce que, bon, il n'y a pas longtemps, j'ai eu un problème avec mon MacBook. La fan a brisé. Puis, bon, je me suis ramassé dans un Apple Store. Fait, je l'ai essayé un petit peu. Je sais pas. C'est intéressant. C'est le fun d'avoir certaines options que tu peux avoir directement sur cette barre-là. Tu peux changer des affaires. J'aimerais ça l'essayer de façon plus sérieuse. J'ai un de mes amis qui s'en est acheté un. Ben, Éric Martel de Geekbécois s'en est acheté un. Puis j'ai l'intention d'aller le voir, puis je veux voir un peu plus sérieusement qu'est-ce que tu peux faire avec ça pour le fun. Mm-hmm. Mais j'ai l'impression que ça va être un peu comme le 3D Touch du iPhone 6S et 7, ce qui est-à-dire que nice to have, mais après un bout, tu l'oublies. Ah, OK. C'est ce que j'ai l'impression. Je pense que c'est ça qui va arriver, à moins qu'ils trouvent vraiment des fonctionnalités super intéressantes à faire avec. Si c'est un pavé tactile, tu pourrais pas t'en servir comme glissoir dans Lightroom ou des trucs comme tu ça? Tu peux tout à fait le faire. OK, tu peux déjà le faire. Oui, okay, tu peux déjà le faire, des choses comme ça. Okay. Tu peux, mettons, par exemple, tu choisis, tu cliques sur contraste, mais tu peux ajouter le contraste avec la barre plutôt que de le faire avec. C'est intéressant. Mm-hmm. Il y a un potentiel vraiment intéressant, mais je sais pas. Bon. Puis Max, moi, ça me dérange pas le retrait de certains ports, parce que lui, il dit, est-ce que le retrait de certains ports est réellement un casse-pied pour les professionnels? Moi, je trouve que non. Ben, c'est pas toi qui avais publié sur Facebook ou ailleurs l'espèce de bloc que tu branches sur le côté. Puis là, il y a toute la série de ports, là, justement. Ben, tu sais, moi, honnêtement, lecteur de carte SD, il y en a beaucoup qui chialent sur ça. Puis moi, c'est le plus gros no intérêt. Moi, ça fait des années que j'utilise mon propre lecteur. La carte SD là-dedans, elle est, entre guillemets, condamnée. Où est-ce que j'ai mis une carte de SD, un micro SD dedans de 64 Go, puis j'y touche jamais. Okay. Puis de toute façon, j'ai Compact Flash. Fait que moi, en partant, j'avais pas le choix d'avoir l'adaptateur. C'est vrai. Fait que c'est pour moi, c'est déjà naturel. Mm-hmm. Puis ce qu'on dit souvent depuis longtemps, c'est le Wi-Fi, le Bluetooth est rendu de plus en plus sur tous les appareils. Fait que je sais pas. Moi, ça me dérange pas énormément. Par contre, je dois dire, Max, j'aurais aimé ça qu'il me reste un port. Juste un port USB ordinaire, ça aurait été correct. Mm-hmm. Mais bon. Là, c'est juste un Thunderbolt, un Lightning. C'est quatre. Quatre? Quatre USB-C. Ben, c'est deux Lightning, deux USB-C. Ah oui, c'est ça. Ben, mais là, c'est parce qu'ils veulent forcer la main un peu aux gens parce que tout s'en va vers USB-C. Les nouveaux téléphones, justement, les nouveaux Motorola, Moto Z, Moto Z Play, Pixel, Pixel XL aussi, LG V20, c'est tout USB-C. Puis il y en a d'autres qui vont s'en venir. C'est brillant. Je veux dire, d'un certain sens, c'est bon. Moi, c'est tout ce que j'aurais fait, j'en aurais laissé un des quatre. Sur un ordinateur, il y a de la place pour ça. Là, on s'entend, là, c'est clair. Mais c'est pas la fin du monde. Mm-hmm. Mais c'est correct. Tu sais, t'arrives à vivre avec, d'après moi. Moi, honnêtement, là, les ports USB là-dessus, ils servent à deux choses. C'est ma carte mémoire puis mon disque dur. Puis encore là, le disque dur, je le plug vraiment pas assez souvent. Je fais mes... comment je peux dire? Mon time machine, il se fait live sur mon NAS. Okay, par réseau. Par réseau, sans fil. Fait que c'est pas la fin du monde. Mais si vous en avez d'autres questions, gênez-vous pas. Là, on vous voit. Bon, ben toi, tu les vois. Moi, je regarde le plan de match. J'en réponds, moi, depuis tantôt. Bon, parfait. Faut bien que ça en prenne un. Oui, absolument. François, toi, t'avais un petit... Non, qui avait un petit topo, là? Ah oui, non, ben moi, je vais parler d'un truc dans Lightroom. Mais moi aussi, j'en ai un petit, si tu veux, mais pas bien long. Bon, ben oui, mais moi, j'ai trouvé un truc sur le site Phlearn, Phlearn, comme dans Photo Learn. Oh, que c'est beau. Oui, c'est vraiment tout simple. C'est que souvent, on arrive dans Lightroom, puis on travaille sur notre photo, puis à un moment donné, on a fait un paquet de trucs, puis là, on se dit, ah non, j'aurais aimé ça... retrouver la première version que j'avais faite. Puis là, j'arrive plus à retrouver exactement les niveaux des glissoirs, là, des paramètres que j'ai mis. Il y a un truc tout simple, c'est qu'on clique avec le bouton droit sur une image, puis on fait créer une copie virtuelle, virtual copy. Je le fais de temps en temps. Et là, ça dédouble ta photo à partir d'où elle est à ce moment-là. Là, tu peux travailler sur celle-là, puis ça ne détruit pas ton original. Ça prend 2 secondes, puis tu as un double de ta photo qui est créé. J'ai commencé à le faire tranquillement sur certaines affaires. Quand j'ai besoin de faire... Ou ce que je le fais souvent, c'est si j'ai besoin de passer par Photoshop. Parle pas de la vidéo, par exemple, parce qu'il va avoir du son. Mais si j'ai besoin de passer... par Photoshop, c'est que tu fais des layers ou... Non, c'est que je me fais une copie si je le passe par Photoshop pour être sûr et certain que ma photo initiale soit pas changée. Oui. Parce que si j'ai des modifications à faire, ben je... Au cas où. Tu veux pas repartir du RAW original. Fait que je fais toujours des copies dans ce temps-là. OK, parfait. Ben, c'est ça. Ça permet justement, tu peux te créer une version en noir et blanc, tu peux en garder une en couleur, tu peux faire un paquet de trucs. Et la seule chose, par contre, que j'ai pas trouvé super pratique, c'est que les copies virtuelles, ben, c'est logique, là, mais elles sont reliées à l'original. Donc, si tu déplaces soit la copie virtuelle ou l'original dans un autre dossier, toutes les copies suivent. Ah, OK, les copies. Non, toutes les copies suivent. Okay. Tu ne peux pas en garder une dans un. dans un dossier, puis envoyer dire ah, ben cette copie-là, je vais m'en servir pour tel album ou tel projet. Mais c'est un peu normal. C'est normal. Sinon, ça dédoublerait. Ouais. Ça se dédoublerait en poids puis en espace. Absolument. Ouais. Donc, à la limite, créer une vraie copie de votre photo, puis là, vous retravaillez dessus si vous avez un deuxième projet. Là. Mais au moins, les copies virtuelles, ben c'est super pratique, justement. Dans le fond, c'est juste des données. Hein? Oui. Fait que, c'est ça. Ça pèse pas fort. Alors voilà, c'était. Je ne sais même pas si on peut appeler ça un topo. C'était le truc du jour. Non, mais c'est intéressant, sincèrement. C'est un bon truc, ça. Quand tu ne sais pas, tu hésites le moindrement, puis tu dis je vais essayer quelque chose. Je veux pas trop travailler. Tu crées ta copie virtuelle, puis au moins, tu sais que tu peux retourner facilement à l'autre. Quand tu n'es pas sûr de tes affaires, c'est un bon truc. Parfait. Là, avant de tomber trop dans des topos, parce qu'on va devoir finir à un moment donné l'épisode. On avait peut-être une ou deux suggestions qu'on voulait donner, puis après, je vais vous demander quel était votre épisode ou votre moment préféré depuis qu'on a parti l'émission, parce qu'il y en a sûrement. Puis s'il y a des auditeurs qui veulent nous dire s'il y a un segment ou un épisode en particulier qu'ils ont aimé, que ce soit pendant qu'on diffuse en direct ou par la suite, c'est toujours intéressant à voir. Ben oui. Ça nous donne un bon feedback aussi, un bon retour sur notre émission. Nous, on va vous dire qu'est-ce qu'on a préféré, de quoi on a préféré parler ou entendre parler. Puis vous pouvez faire la même chose, soit maintenant ou si vous l'écoutez en différé, envoyez-nous un petit message, que ce soit email ou Facebook, peu importe. Puis ça va nous faire plaisir de vous lire. Alors, on y va avec une ou deux suggestions, tu sais? Bien, si tu veux, vite, j'ai juste. C'est un tout petit topo de rien. C'est quelque chose de sympa que j'ai vu. Okay. National Geographic a sorti un article donnant le top 10 des appareils. Compact pour les voyageurs. OK. Et j'ai trouvé que leur choix était assez intéressant quand même. Il y a beaucoup de choses vraiment bien là-dessus. Parce qu'on parle appareil photo Fuji. Mais où est le lien dans le plan de match? Mais il est là. On n'en a pas? Bon, c'est pas grave. Oui, le jaune. Le numéro 6. Ah oui, 10 meilleurs. OK. Ah oui. Bon, allez, écoute. Je suis dans mes affaires. Max là. Et moi, on le cherchait. C'est parce qu'on cherchait des suggestions au lieu de chercher en haut. Mais c'était une petite nouvelle suggestion. Dans le fond. Parfait. Fait que. Dans leurs 10 appareils, il y en a une couple que ce n'est pas une grosse surprise. Fuji X-T2. Mm-hmm. Ça, je ne suis pas vraiment surpris. Olympus OMD EM1 Mark II. Okay. Le petit nouveau qui n'est pas encore sorti. Ce serait le fun de le tester, celui-là. Oui, ça serait vraiment le fun de le tester, retour, celui-là. J'attends un retour de Fuji, d'Olympus. Mais il avait été retardé. Hein, oui, je sais. Oh, regarde, je suis prêt à attendre en juin s'il faut. Je voudrais juste essayer un peu, moi. Oui, pas de problème. Sony A7R2. Panasonic Lumix DMC GX8. C'est un compact qui est quand même pas si mal, sincèrement. Là, c'est assez bien. On a Fujifilm, la XT, la X100T et ou X100S. OK. Ah, tu vois, le X100... Ah oui, X100S, c'est le plus vieux modèle. Oui, c'était avant, c'est ça. On a Lumix G85 4K, Panasonic encore une fois. Olympix TG4, ça, c'est genre de petit compact, mais tu sais, c'est le genre d'affaire le fun là, qui est vraiment très, très solide, là, que tu peux prendre l'eau, tu vas faire rien d'exceptionnel, mais c'est vrai que pour un voyageur, c'est quelque chose qui peut être intéressant malgré tout. Sony A6500. Oui, le 6500. Sony ARX100 Mark V. Oui. Mais ça prend un bon petit budget, hein? Oui, il parle pas de budget. Oui, hein? Je rappelle que c'est National Geographic, un des seuls qui ont un des objectifs à 1200 là, de Canon. Là. Oui. C'est à 80 quelques mille piastres. Là. Fait que le budget, c'est pas particulièrement un problème. Coolpix, Nikon Coolpix P900 avec son zoom de 83x. OK. Il fait du 24-2000. 24 à 2000. OK, c'est intéressant. Mais avez-vous remarqué un détail? À F8 à la fin, là, quand vous êtes à 2000. Qu'il n'y a pas de Canon? Il n'y a pas le EOS-M? Hein? Il n'y a même pas beaucoup de Nikon quand tu regardes non, ça. C'est tout autre chose. Mm-hmm. Beaucoup de Fuji, beaucoup de Sony. Ah, ouais. On voit quand même que dans le DSLR, c'est peut-être pas la force de ces deux-là, mais le reste... Non, et puis les gens, à mesure, tu sais, ils disent « Ah, les gens moins sérieux », mais à un moment donné, les gens moins sérieux vont devenir sérieux, puis ils vont pas tomber dans le Canon puis dans le Nikon. Fait qu'il faut qu'ils se préparent parce qu'ils vont perdre toute la nouvelle génération de clients. Là. À un moment donné, c'est commencé. C'est déjà commencé. Moi, je pense que les ventes vont décliner. Là, puis tu sais, tu dis les gens moins sérieux. Je dis, regarde, la A7R2, est quoi? 3000 Oui, je sais, mais c'est parce que moi, je parle de la mentalité qui amène les Nikon. Je comprends ce que tu dis. Puis aussi la mentalité du monde. Puis je lisais encore des articles là-dessus qui disaient, tu sais, tu peux pas aller prendre un mariage avec un A7 parce que le monde va trouver qu'elle est trop petite. Oui, ça, puis c'était le problème il y a deux, trois ans, mais de plus en plus... Ça va passer pour certaines personnes quand tu vas montrer le résultat, mais il y en a qui vont te juger. Ou tu arrives avec ton A7, puis tu as 70-200, qui est un objectif blanc, ça va passer très bien. Oui, ça, c'est clair. Ouais. Ouais. Mais j'ai trouvé ça intéressant de voir, comme je te dis, comment le paradigme est en train de changer, puis que les autres vont être obligés de s'habituer aussi, parce que ça va changer de plus en plus. Oui. Écoute, il y a quelque chose qui m'a frappé un peu dans cette lancée-là, les changements d'appareil. J'ai vu un tapis rouge il n'y a pas longtemps. Je me demande si ce n'est pas la disque ou quelque chose comme ça. Mm-hmm. Puis devant le tapis rouge, c'était, je pense, 95% des appareils qu'on voyait, c'était des téléphones pour faire les photos plus ou moins officielles. Là, mais un paquet de gens... Pour les envoyer sur les réseaux sociaux. Ou des choses comme ça, j'imagine. Oui, oui. Puis c'était... une tapisserie de téléphone devant le tapis rouge, j'étais là, mais mon Dieu, ça change parce que c'est la qualité n'est pas tout à fait là comparé à un objectif. Ben non. Non. Mais l'instantanéité est là, par exemple. C'est tout de suite sur les réseaux sociaux. Là, comme qu'ils disent, c'est pour les réseaux sociaux, pour tout le monde, parce que sinon, une photo fait comme Québécois tous les magazines au Québec, donc un photographe sert à tout le reste. Donc. Oui. On a justement Dominique Dufault qui dit qu'il vient de vendre son RX100 Mark III. Il attend le 5 qui arrive après les fêtes. Bon. C'est un jour. Oui, oui. Mais Dominique est passé du côté Sony pas mal. Assez solide, oui. On le salue en passant. On a-tu d'autres questions qui sortent ou commentaires? Pas ce que je vois encore, à part que tout le monde félicite Pascal Forget pour sa performance. Son steak. Mm-hmm. Oui. Pour son steak. On félicite Pascal pour son steak. C'est très bon. Dans sa chambre d'hôtel. Oui, ben on n'a pas eu de détails, mais on a tout compris. Ouais, mais c'était pas loin d'avoir tous les détails, je dirais. Enfin. Merci, Pascal. Oui. On s'ennuie jamais avec Pascal, je peux vous dire. Que, pas besoin d'aller passer une semaine au CES avec lui. Pour. Enfin. Moi, tantôt, je vous parlais qu'il y avait une toute petite photo qui était intéressante, une photo de la ville de Québec. Ça nous a été envoyé par Charlie, qui était venu au Photo Walk au mois de septembre. Ben, en fait, je l'ai vu passer sur son mur Facebook. Et c'est une photo du Vieux-Québec. On voit évidemment le château Frontenac qui a été une photo qui a été prise et qui prend 4,5 milliards de pixels. Et on peut... c'est évidemment une vue panoramique 3D, machin. Mauvais lien. Mais ça vient de Charlie? Oui, ben j'en ai deux, mais ça, c'est parce qu'il faut que tu... Non, attends un peu. C'est celle-là ici, espace 10. Voilà. Oui, c'est parce que tu es rendu dans les trucs qu'on fait si on a le temps Charlie seulement. En bas, là, mais... Oui, c'est correct. Mais Charlie, que tu connais, Maxime? Yes, on devrait se voir bientôt. Bon. Fait que c'est ça. C'est une toute petite photo. Évidemment, sur un téléviseur 720p, ça sort vraiment bien. OK. Là, mais... Comment il a réalisé? On peut savoir? C'est... Petite idée, mais... Ben, c'est ça. C'est ça. En fait, ça a été créé à partir de 320 photos différentes. J'ai pas vu avec quel appareil ça avait été pris, mais c'est vraiment impressionnant. Là. Puis il y avait des beaux bateaux en plus, ça tombe bien. Mais là, on veut voir, on veut zoomer. Là. Oui, on peut zoomer. Ben avec, oui, il faut zoomer. Là. Il va avoir plein de détails. Regardez ça, c'est incroyable. Ouais. On peut voir plus qu'au château. Là. Et tout maximum. Qu'est-ce qui passe dans les chambres? Oui, on peut voir ce qui se passe dans la chambre au château Frontenac. Oh, oui. La suite 300... Non, c'est pas vrai. On va monter un peu. Mais, on voit Pascal dans sa chambre d'hôtel. T'es-tu au maximum du zoom? Non. C'est ça que je vais voir. Mais là, il est au maximum. Mais bon, quand même, on voit les pierres, les détails sur les pierres du château Frontenac. C'est hallucinant. Là. Puis là, c'est-tu zoom out complètement? Pour je ne touche à rien, ça a l'air de... Oui, il fait, je pense qu'il y a un genre d'auto-pan. Auto-pan-out. Comment tu dirais ça en français? Hmm? Panoramique automatique. Ouais. À droite ou à gauche. Regarde, tu sais, on part de loin. Oui. Voilà. C'est vraiment incroyable. Ouais. Il y a un peu de montage, je dirais. Oui, oui, ben c'est 320 photos. Non, mais je sais, là, mais... Mais... Ça me c'est pas beaucoup, 320 photos, mais... Ben, si tu fais calcul 320 fois 20 quelques mégapixels, j'imagine, ouais. J'ai pas fait le calcul, là, mais ouais. D'après moi, tu arrives même à 6 milliards de pixels, quelque chose de même. Fait que... C'est impressionnant. Ouais. Ouais. Faites la division. 4,5 milliards. On entend la réponse. Le premier qui nous donne la réponse, on lui dit félicitations. Voilà. On lui dit félicitations en direct. Oui. Tous en cœur. Bon. Mais c'était juste un petit clin d'œil parce que je trouvais ça vraiment impressionnant comme photo. Puis, en plus, qu'on peut la montrer à l'écran et zoomer live, c'est super cool. Une autre petite suggestion, François? Oui, François, en fait, je vais vous donner un des sites que je me sers pour avoir des suggestions justement à chaque semaine, ou plutôt à chaque podcast. Ah là, tu nous donnes ta source. C'est bon. Oui, c'est je vous donne une de mes sources parce que ça fait partie je vais en venir un petit peu plus loin dans l'émission quand tu vas demander c'est quoi nos moments préférés. Mm-hmm. Ben, je le dis un petit peu tout de suite, c'est des suggestions. Pour moi, dans l'émission, c'est dans le podcast, c'est le moment préféré. Ou presque, j'aime. Alors. Ben, moi, c'était pas mon moment préféré. mais je te l'ai dit, c'était quoi? Eric Senter, ils viennent de nous donner la réponse. Ah, OK. Fait que c'est 4,5 gigapixels divisé par 300, c'est 15 mégapixels chaque. Voilà. Fait que ça n'en prend pas un appareil si impressionnant. Voilà. Tu vois, je disais qu'à 20 mégapixels, on tombait à 6 milliards. Merci, Eric. Ouais. Merci, Eric. Tu as notre reconnaissance. Hey, mais d'ailleurs, Eric. Ça fait aussi presque aussi longtemps que toi que, je sais pas si toi, quand est-ce que tu l'as connu, mais on s'est tous connus par les BBS à l'époque. Je pense, je l'ai connu un petit peu après toi. Moi, je l'ai connu juste avant. Écoute, je l'ai connu par les BBS, puis juste après, on a commencé à étudier en informatique ensemble au cégep. Ouais. C'était un hasard. C'est un petit monde. Eh oui, que voulez-vous? Donc, pour ma suggestion, oui. Light Stalking. Je ne sais pas si vous connaissez ça. Non, je n'avais jamais entendu. Sur Facebook, on peut les suivre là. Puis, ils proposent toujours une des articles, des stalker. Trucs. Oui, exactement. Ils proposent des trucs, des façons de faire. Puis, voilà, vous irez voir ça. C'est super intéressant. C'est une de mes sources pour vous amener des petites suggestions d'une semaine à l'autre. Parfait. Alors, voilà. Non, mais là, c'est pas bon, ça. Si tu me dis ça, là, il va falloir se battre pour les sources. C'est le premier qui va le mettre. Non, je le donne. J'ai fini. Je vais passer à autre chose. Mais c'est la façon qu'il dit, qu'il livre, qu'il... Bon, merci François. Mais non, je passe à autre chose, je suis comme l'armée, moi, là. Je vous dévoile le dernier avion furtif, ça fait 20 ans qui est fait. C'est ça. Voilà. T'as déjà trois autres projets qui sont sur le point d'aboutir. Je suis ailleurs. Christian, voulais-tu en faire une dernière ou sinon on passe à nos moments préférés? Allez-y. Bon, parfait. Ben, c'est quoi ton moment préféré ou ton épisode préféré? Ça va être surprenant, ce que je vais dire, mais c'est parce que c'est quelque chose que je ne m'attendais pas pantoute. C'est le premier épisode. OK. Parce que ce que peu de monde savent, c'est que le podcast, ça devait être lui et moi. Oui. Et c'est tout. Oui. Puis là, il y a eu l'idée d'amener François. Puis là, moi, je connaissais pas François, mais il dit « ça va être le fun, ça va être cool ». Mais c'est-tu quoi? C'était une excellente idée. Ah! Vraiment, oui, là, oui. C'était une super bonne idée parce que ça change beaucoup la dynamique, je trouve, à trois. C'est beaucoup plus vivant comme ça. Puis ben François, il est drôle en plus, pas comme moi. Fait que lui, ça aide aussi, tu sais. Non, mais tu sais, ça a l'air niaiseux à dire, mais c'est parce que quand tu t'attends à faire quelque chose, puis finalement, ça peut être, ça passe ou ça casse. Dans ce cas-là, ça passe à l'os. Écoute, félicite Stéphane pour ça, parce qu'il a travaillé fort pour m'amener. Parce que moi, j'avais une sacrée barrière à passer, c'est-à-dire de parler à des gens, de faire ça naturel. Mmh. Tu dois t'en rappeler. Parce que la première fois, j'arrêtais pas de bafouiller, de me tromper. Ouais. Là, je dis à Stéphane, attends, on recommence ça. T'sais, en sachant qu'il y avait du montage. My God, que c'était compliqué. J'avais des chaleurs. Uh-huh. Un moment donné, vous m'avez vu arriver malade. J'ai pris des pilules pour mieux filer, puis j'ai bu de la bière. Ah oui, ah oui. Ouais, ça, c'est un pas pire moment, oui. C'est un pas pire moment, ça. C'est un de mes bons moments. Oui. Je viens d'en reparler. J'ai c'est un peu vague, mais il s'en rappelle quand même. Hey, j'avais de la misère à me tenir. Oui. Yeux me fermaient. Vous autres, vous riez. Vous étiez crampés de voir ça. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on ne faisait pas le podcast en vidéo parce que François, à chaque fin d'émission, il cogne des clous. Mais là, ça va. Là, ça va. Là. Ouais, ouais. Mais non, il y a eu quelques épisodes, c'est vrai, que maudit que je trouvais ça long. Oui, oui, oui. Pépin Blanchette, t'as trouvé ça. Oui, bien, c'est parce que c'est... non seulement t'es vieux, mais. Non, mais souvent, on enregistre. Bon, d'habitude, c'est moi qui dit ça. Fait oui. Mais souvent, on enregistre deux épisodes quand on se voit parce qu'on se voit à peu près aux trois semaines, des fois aux quatre semaines, étant donné les familles, le travail, tout ça. C'est difficile de. Puis on ne veut pas faire ça, justement, uniquement par Skype ou tout ça parce que la dynamique n'est pas pareille. On aime ça être. De temps en temps, ça peut dépanner, mais idéalement, non. C'est pour ça qu'on aime avoir des invités aussi en personne, parce que tu sais, c'est vraiment le fun de parler à des gens, mais il y a quand même une barrière quand ça tombe dans une image ou même des fois, c'est pas tout le monde. Là, on a un téléviseur, mais souvent, moi, je parlais avec, disons, Maxime Tremblay quand il avait appelé. Ah, ben le Tai Chi fonctionnait à l'époque, je pense. Vous aviez l'image. Hein? Oui. Bon, parce que j'ai un ordinateur qui a deux écrans. Qui avait deux écrans. Parce qu'à chaque mise à jour de Windows, c'est-à-dire quand je suis passé à Windows 8, 8.1, puis à 10, le pilote vidéo cesse de fonctionner. Puis c'est ça. Là, je n'ai pas réessayé récemment. Mais Me rappelle que tu l'avais ramené à la vie à Mané, puis alléluia, j'étais content. Oui. Enfin. C'est un bout qui ne servait plus. Puis... Mais tout ça pour dire que je suis content que vous vous déplaciez à chaque semaine. Pas chaque semaine. Il y a d'autres bonnes raisons pour se déplacer aussi. Oui, je sais que je vous. On est content de se déplacer. Il y a quand même des avantages. Oui. je trouve ça super le fun parce que moi, je pense qu'il y a au moins la moitié du plaisir à faire l'émission qui est juste le fait de se voir puis de se jaser, même avant et après l'émission. Puis de se voir, de se montrer des nouveaux gadgets qu'on a reçus ou qu'on a essayés. Ou même souvent, Christian ou François arrivent puis « Ah, regarde cette vidéo-là que j'ai vue. » Puis là, on se montre des vidéos... De chat. De chat, oui. Non, mais on a parlé, c'est au dernier épisode, le truc de Planet Earth. Oui, Ce genre de vidéo-là, on arrive, on se présente ça, puis c'est vraiment drôle. Puis... Non, il s'est pas arrivé souvent des vidéos de chat, mais bon, c'est quand même intéressant. Toi, ton moment préféré? Moi, j'ai deux... En fait, j'ai un moment préféré et un épisode préféré, ou en tout cas une bonne partie de cet épisode-là. Il y a l'épisode 80, que j'ai pas réécouté récemment, mais on a tellement ri, et l'émission n'était même pas commencée. Je regarde les notes, puis l'émission commence à 12 minutes 15, là, parce qu'on a fait probablement ce qu'on a fait côté photo avant, mais... Puis on avait un fail d'un Russe qui était mort en voulant prendre un selfie là, en haut d'un building ou quelque chose comme ça. En tout cas, cet épisode-là, si vous ne l'avez pas écouté, écoutez l'épisode 80. En tout cas, moi, j'avais bien aimé. Puis sinon, mon moment préféré, c'est le courrier du cœur de François. Oui, vraiment. Vraiment. Qui était à l'épisode 67. C'est dommage, je n'ai pas tombé à l'épisode 69. Non, à l'épisode 67, ça fait quand même un petit bout de temps. Décembre 2014, ça fait 2 ans. Mm-hmm. Mais il y avait... c'était vraiment épique, ce petit topo-là. Oui, on avait bien du plaisir avec et ça. On attend la deuxième partie. D'ailleurs, j'en profite pour le demander devant tout le monde. Mm-hmm. Ça prend un nouveau courrier. Je dis officiellement que je vais faire une suite à ce petit moment qui avait été pas mal drôle, j'avoue. Cool. Alors, quand, je sais pas, mais je travaille là-dessus, promis. Tu as 100 épisodes pour le faire. Ben, c'est bon. Je vais trouver un moment. Je vais trouver un moment dans ma vie pas occupé pour faire ça. Ta vie pas occupée. En tout cas, oui, continue. Moi, c'était tout, mais toi, t'avais-tu dit ton moment? Il y a Maxime que j'ai beaucoup... tu sais, j'ai beaucoup apprécié les photos puis que j'étais bien content qu'il vienne nous montrer ça, qu'il vienne nous en parler. Écoute, il y a quelque chose dans les photos qu'il fait qui sont vraiment... Mais j'arrête pas de dire, là. Il va dire « calme-toi », là. Mais ils sont belles, ces photos. Oui, c'est vrai. Ils sont différentes, ils sont... C'est je sais pas comment décrire. Regardez-les, ces maudites photos sont belles. Voilà. Instagram XIM _ SAURIOL, c'est un peu compliqué. Je suis d'ailleurs pas le seul à avoir remarqué. Maxime s'est fait inviter à faire des photos pour des concours et gagner des prix. Avec je pense. T'as pas été invité en haut de la place d'une mairie. Mais il y a différents événements avec Tourisme Montréal qui invitent à quelque sorte 30 ou 40 Instagrammeurs de Montréal. Différents événements. Bon, ben, tu faisais partie d'eux autres. Tu es allé sur le campus McGill. Tu as fait une photo là, qui a été remarquée, là, qui a été retweetée par McGill. Au campus McGill, ça avait été partagé sur leur page Facebook. C'était leur photo couverture par Tourisme Canada, par Tourisme Montréal, par plusieurs affaires. Donc, ça rejoint. Souvent, j'ai pas une tonne d'abonnés quand je regarde du 1650, 1660, mais quand je regarde certaines photos, le reach que ça peut avoir... Mm-hmm. T'étais passé près du million de reach potentiel. Bon, j'ai calculé environ 1 million potentiel, mais c'est sûr que là-dessus, c'est une poignée qui le voit, mais c'est assez flatteur. D'ailleurs, moi, j'ai transformé mon compte Instagram en compte entreprise. Là, je l'ai lié avec la page objectif numérique de Facebook. Et là, on peut avoir des statistiques, justement, sur le nombre d'impressions par photo, le nombre de reach, là, la portée, puis le nombre d'interactions. Donc là, tu peux te sortir des statistiques. Fait que si jamais tu veux jumeler ça avec une page Facebook quelconque, là, c'est gratuit. Tu fais ça, puis tu commences à avoir des statistiques sur toutes tes nouvelles photos que tu publies. Alors, avis aux intéressés aussi, s'il y en a qui ont une page. Moi, j'adore les statistiques, pour vrai. J'aime les chiffres. Je ne suis pas super bon en maths, mais les statistiques, je trouve ça intéressant. Mais rendu à combien de personnes là, qui ont écouté notre podcast? Là? On va être rendu Dieu! Hey, ça fait longtemps qu'on n'a pas vérifié ça. Oui, ben là, ce serait sur l'autre ordinateur. Je ne peux pas voir, mais je vous le dis. On regardera ça pour le 101e. Je m'excuse, je suis un peu coupé, mais en parlant de photos et de personnes qui écoutent, la dernière fois que je suis venu ici, j'ai parlé donc de mes photos Instagram, puis un auditeur français qui a partagé 10 de mes photos sur son site. Oui. Puis son site, c'est Sokodo, qui est 70 000, 80 000 fans Facebook, mais ça appartient à Topito, qui a à peu près 1,2, 1,3 million. Je me demandais au début un peu comment il avait vu mes photos, puis après ça, c'était assez... content et étonné. C'est grâce à nous. Grâce à vous. Wow. C'est ce qu'il m'a dit. Cool. Mais félicitations parce que c'est mérité. Mais félicitations à vous aussi d'être écouté à Transatlantique. Et... Bon, ben on salue les gens de Topito et leur site associé et affilié. Sokolo. Bon. Parfait. Ben, moi, je pense qu'on va pouvoir conclure peut-être là-dessus. Toi, as-tu réécouté les 99 épisodes pour trouver ton moment préféré? Je fais des blagues. Mais non, tu dis ça, mais il y a pas mal toutes les invités qu'on a eues ont toujours été... On a été chanceux là-dessus. On a vraiment eu des très bons invités. Là, et il y en a qui vont revenir. Il y a Rémi Saint-Onge, je m'a dit de l'inviter pour la 104e parce qu'il était venu à la 4e. Alors là, ça va faire 100 de plus. Donc, c'est good. 204e. Oui, c'est ça. Donc, à la 104e... Il vient aux 4 ans, lui. C'est ça, à peu près. Vous allez augmenter le rythme un peu. On a déjà essayé. C'est parce qu'en augmentant le rythme, on ne peut pas se voir tellement plus souvent, malheureusement. Ce n'est pas qu'on ne voudrait pas, mais on est occupé. Puis, si on veut faire plus d'épisodes, il faut les faire moins longs. Puis, ça déplaisait à beaucoup de gens parce qu'au lieu de nous écouter dans le transport en commun pendant peut-être 55 minutes, là, ça tombait à 30, 35 minutes. Puis là, on n'avait pas le temps aussi de s'étendre autant sur tous les sujets, tout ça, de donner autant de contenu. Puis on pourrait plus marathonien que sprinter aussi. Pas se brûler à vouloir en faire plein. C'est mieux peut-être d'en faire un peu moins souvent, mais de faire une longue distance. Absolument. Sentir la camaraderie entre vous. Oui, c'est ça. Oui, ça, c'est important. Que, oui, ça. Parce c'est important on va se tanner de nous voir nos faces, c'est sûr. C'est parce que là, tu sais, quand on avait les épisodes très courts, on avait toujours Stéphane qui était là. Moi, j'avais un chronomètre pour vrai, puis c'était OK, on il arrive. Il était tyran dans ce temps-là. Là, c'était. Ben, mine de rien, c'est quand même pas mal de gestion quand on essaie de se mettre un horaire, tout ça. Puis justement, le but, c'est pas que ça devienne un fardeau. T'sais, on veut continuer à avoir vraiment du plaisir à faire ça comme on en a depuis le début. Puis je trouve ça vraiment cool. En tout cas, moi, j'ai autant de plaisir à le faire qu'au tout premier épisode. Ben, au premier, je ne l'ai pas apprécié autant parce que j'étais nerveux. Hey boy! Puis, my God, Puis le premier épisode, c'est le seul qu'on n'a pas fait, soit à l'ancien studio ou ici. On l'avait fait chez Christian. Puis François était par Skype, je pense. Oui, et nerveux. Et nerveux. Mais non, ça s'était bien passé quand même. Ben oui. Mais là... moi, dans ma tête, là, j'avais besoin de drogue. Même moi, on avait tous une voix un peu plus robotique, pas habituée. Pas naturel comme discussion. C'est clair, c'était notre premier. Ouais. Que, on n'avait pas de background en radio ou peu importe. T'sais, toi, tu es toujours derrière l'objectif. Nous aussi, veux pas, à part parler au téléphone à des gens, on ne s'adressait pas nécessairement à des micros de façon régulière. Mais je pense qu'avec le temps, on a réussi à prendre quand même une pas pire... Une aisance. Oui, pas pire aisance. Mais voilà, on va conclure ce 100e épisode. Éric Santerre. Yes! Éric Santerre, il dit, ça donne le goût de réécouter le premier. Tu peux. Hey, moi, je pense pas que je vais le réécouter, mais bon. Je serais curieux, je vais peut-être le faire pour rire. Ou pleurer. Ouais, bon, en tout cas... Eh bien, merci beaucoup. Merci à ceux qui ont été là en direct, que ce soit du début ou à partir du milieu, peu importe. Merci d'avoir été là et merci à ceux qui nous regardent même par la suite. Ça nous fait un grand plaisir de savoir qu'on peut apporter soit une petite distraction ou de l'information. Contribution. Si on peut motiver une personne ici et là à faire de la photo, ben, ça a valu la peine. Le but est atteint. Oui. C'est ça. Enfin, Je sais pas pour vous autres, mais on pourra peut-être refaire ça. C'est pas désagréable, là. J'ai pas ça. Pas trop souvent, mais... On va attendre de savoir si ça a été parfaitement techniquement réalisé. Ouais, ouais. C'est ça. On parce fera... qu'on sait pas encore. Ouais, fait, mais... Non, mais tu sais, on pourrait trouver d'autres méthodes. Tout ça, mais j'ai pas détesté ça. Oui, moi aussi. Parfait. On va prendre en note notre setup, hein, Stéphane. Qu'est-ce qu'on a branché où, avec quel setup? Parce puis que avant... ça nous a pris une heure et demie, c'était à peu près ici. Pour être sûr que ça, l'image, le son synchronisé, que ça sonne bien, que les ça soit appels pas avec la télé. C'est quand même un pas pire ouvrage. Mais là, maintenant qu'on a brisé la glace, On n'est plus qu'on... des nobles. Non. Là, on peut dire qu'on n'est plus des nobles. Parfait. Surtout après 100 épisodes. Non, vous allez nous revoir en vidéo un jour. Peut-être pas à chaque fois, mais... Non, ben, c'est pas pareil non plus, je trouve. C'est... Non, mais on fera des petites émissions spéciales. Mm-hmm. Là. Right. Puis moi, ça va être moins de travail, j'aurai pas de montage à faire. Et voilà, c'est ça, effectivement. Oui, oui. Bon, effectivement. Mais je vais peut-être rajouter... Ben, sur la version audio, évidemment, je vais rajouter la petite musique de début et de fin. Là. Et la prochaine fois qu'on fera ça live... Je vais me partir le petit bumper, la petite musique. Là, j'avais trop de soucis techniques pour penser à ce genre de détails. Je comprends pas. on te pardonne cette fois-ci. Bon, ben merci. Merci François. Merci Stéphane. Merci Christian. Merci Stéphane. Merci Maxime. Merci Maxime, c'est gentil. Merci. Toi aussi, on va te réinviter. Déplacé à Laval. oui. Parfait, ben merci et à la prochaine. Bye-bye. Il m'en va déploguer, là. Oui. Attention, il s'en va déploguer.